Qu'on garde avec nous. Qui va pouvoir profiter justement du cartable? C'est pas vous? Alors, le cartable, ça va être pour ma petite nièce, Faustine, qui habite Enghien-les-Bains. Super. Et qui rentre aujourd'hui en moyenne section, parce que mon grand garçon qui est en CM2, le TANS, je suis pas persuadée. En revanche, la tablette, il va s'éclater avec, c'est ça? Voilà. Bon, bah, super. Exactement. Valérie, merci pour votre fidélité. Merci, je vous embrasse. Et je vous embrasse aussi. J'adore votre émission. Eh bien, merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt et bonne rentrée à tous vos enfants. Salut Valérie. Merci, au revoir. Donc, je vous remercie. Bruno de Waal, sans une dictée, 2500 difficultés expliquées, préfacée par Bernard Pivot. Je le disais, c'est aux éditions de L'Opportun. Merci, monsieur le champion du monde. Salut Bernard, à la prochaine. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve demain. Demain, ça promet, sur RTL. On parlera de tous ces grands moments de gêne intense que l'on peut vivre. Si vous voulez avoir un aperçu du type de gêne, vous allez sur les réseaux sociaux. On va mettre une vidéo dans un instant qui vous fera rire sur un moment de gêne que j'ai vécu hier dans nos bureaux. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Salut. RTL, il est 16h. Pardon Anne Le Hennef pour le retard. Voici les infos. Mais il n'y a pas de mal, Flavie. François Hollande, inquiet, appelle à l'apaisement au Gabon et demande la transparence sur le scrutin. Dans un communiqué, le chef de l'État condamne avec la plus grande fermeté les violences et les pillages qui ont eu lieu la nuit dernière. Après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, l'opposant Jean Ping conteste les résultats qui donnent la victoire au sortant, Ali Bongo, notamment le taux de participation dans le fief de Bongo qui s'établit à 99,93%. Le centre de la capitale Libreville est en ce moment quadrillé par les forces de l'ordre, alors que des pillages sont en cours dans des quartiers périphériques. L'arrêté anti-burkini pris par la ville de Nice est à son tour suspendu par le tribunal administratif de la ville. Nice, meurtrie par les attentats de la promenade des Anglais, a fait partie de la trentaine de villes qui a tenté d'interdire sur les plages le port de la tenue de bain intégrale. Mais il n'y a pas de risque avéré de trouble à l'ordre public, a estimé le tribunal, conformément à la décision du Conseil d'État de la semaine dernière. La décision de Bruxelles est une foutaise politique, selon Tim Cook, le patron d'Apple. L'Europe exige que le géant américain rembourse à l'Irlande 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux indus. Selon Tim Cook, l'UE avance des chiffres fantaisistes, notamment un taux d'imposition de 0,005%. Il va faire appel de la décision européenne. L'Irlande, qui pourrait elle aussi faire appel, doit décider demain. Une explosion vient de se produire à l'instant sur la rampe de lancement d'une fusée de SpaceX en Floride. Pas plus de précision pour l'instant, on y reviendra dans le flash de 17h. Moins de pommes et moins de poires cette année. Les intempéries du printemps entraînent une baisse de la production. Selon les producteurs, moins 7% pour les pommes, moins 14% pour les poires. Cela concerne essentiellement les variétés d'été. Football, le français Alou Diarra rejoint le club de Nancy. Il a quitté le club anglais de Charlton pour pouvoir se rapprocher de sa famille. Puis en Allemagne, sachez que Manuel Neuer a été nommé capitaine de l'équipe pour le mondial de 2018. Enfin, sachez qu'en Formule 1, le Brésilien Felipe Massa de l'écurie Williams annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison à l'âge de 35 ans. Pour les courses, on file à Chantilly retrouver Bernard Glass. Tout à fait, pour l'arrivée de la... Alors Bernard, on vous entend extrêmement mal, voire même pas du tout, donc je pense qu'on va patiemment attendre que vous arriviez à vous reconnecter pour nous donner la suite des arrivées des courses. Et puis je vous rappelle donc cette dernière minute aux États-Unis, en Floride, une explosion sur la rampe de lancement d'une fusée de SpaceX. Pas plus de précision pour l'instant. 16h03 sur RTL, très bel après-midi à vous, c'est l'heure de retrouver les grosses têtes de Laurent Ruquier. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui fait sa rentrée en ayant acheté toutes ses fournitures chez Carrefour Market, Michel Bernier. Bonjour. Une grosse tête qui a garé sa soucoupe volante rue Bayard mais qui n'arrive pas à repartir, Igor Bogdanov. Une grosse tête qui prend de l'espace, mais qui n'est pas forcément une fusée pour répondre aux questions, Caroline Diamant. Bonjour quand même. Une grosse tête qui partage sa vie entre cour et jardin, Élie Semoun. Une Une grosse tête qui avait prévenu François Hollande qu'il ne fallait pas laisser le Macron mariner. Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui supporte tout le monde, sauf les gens imbuvables, voilà. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Vous attendiez-vous au départ de M. Macron, François-Olivier Gisbert, vous qui savez tout sur les politiques? Bah, il le disait, oui, c'est sûr. Ah, il vous l'avait dit? Non, vous l'avez non, dit. Mais c'était, tout le monde le disait. Vous connaissez autour bien de lui, sa femme, gens. Brigitte, la mère Macron? Oui. Oh. Mais moi, il je pensais qu'elle était avec Louis Jouvet avant. Ne vous attaquez pas aux épouses. Alors je vais m'arranger. Nous sommes d'accord. En même temps, qu'un mec jeune avec une femme plus âgée, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça contraire. Change. C'est un exemple. C'est un exemple. Dites, monsieur Bogdanov, j'ai un doute là, parce qu'hier c'était Igor qui était ici. Et aujourd'hui on devait avoir. Non, c'était Grishka. Et aujourd'hui on devait avoir Igor. Et oui. J'ai l'impression qu'on m'a refilé le même. Dites juste moi, est-ce que c'est bien vous qui étiez déjà là hier? Oui. Ah. Non, c'est moi. Non, moi, c'est Grishka. Donc Igor est malheureusement devait être là. Il a pris hier un vol. En fait, il est pilote d'un engin qui s'appelle le SA-341, qui est un hélicoptère. Il est à Salon de Provence chez les militaires. Vous faites souvent ça, d'aller à un endroit à la place de l'autre? Ça m'est arrivé une fois, mais j'avais 11 ans. C'était en fait, j'étais allé chez le coiffeur. Oui. Ah bah ça s'arrange. Ah. Donc il y avait du travail. À mon avis, il faut le retourner. Travail. Et en fait, je demande à être coupé très court. Oui. Très court. Et une dizaine de minutes plus tard, Igor revient en disant mais avec il avait les cheveux très longs. vous avez vu, vous avez quand même laissé. Et le coiffeur était là à laisser tomber ses ciseaux à la verticale. Vous avez encore une anecdote piquante. Non, mais je voudrais juste noter le bon prénom pour la durée de l'émission. C'est Igor ou Grishka, sans déconner? C'est les deux en même temps. Oh. Aujourd'hui, c'est Grishka. Voilà. C'est Grishka. Ah ben, comme voilà. Hier. Et vous, monsieur Semoun, votre été alors? Ah, est-ce que Semoun. Vos poules naines sont toujours vivantes? Oui, ouais, ça y est, elles sont toujours vivantes. Et je voulais dire que grâce aux grosses têtes, j'étais partie à Bayreuth pour aller voir la Valkyrie. C'est parce pas vrai. Parce que je disais que j'aimais Wagner, alors, voilà ça. Oui, je l'ai retrouvé. Elle est à ma droite. Non, mais je chante très bien le Wagner. Non, parce que je me rappelle qu'on se foutait de ma gueule parce que je disais que j'aimais Wagner. Et il y a un gentil auditeur qui m'a écrit, qui s'appelle François Bastien, et qui m'a écrit en disant « Je suis de tout cœur avec vous ». En fait, c'est un musicien à Bayreuth. Et il m'a invité gentiment en Allemagne. Et ça t'a pas paru louche. Ça t'a pas paru. Quand t'as passé la frontière, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a pris qu'un aller simple, avec des casquettes le mec, et qui parlait comme ça, qui m'ont attendu et qui m'ont amené dans une pièce. Et non, en fait, j'étais donc à Bayreuth, j'étais voir la Valkyrie, et c'était fantastique. Ah oui, c'était oui, super. Non. Franchement. Bah moi, j'aimerais bien me taper Patrick Dempsey si quelqu'un nous écoute. Une Chère première Caroline. Citation. Pour Christine Reinbold, qui habite Ostwald, qui a dit « Mesdames, un conseil, si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent, prenez-en trois. » Francis non. Blanche. Francis non, Blanche, non. Jean-Yann, ouais. Non. Est-ce que c'est ce genre-là? C'est après ça, après. Ou alors ça veut dire qu'il aura piqué. Mais après, après, si il a piqué, c'est proches. Coluche. Coluche, ouais, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah oui. Il aurait peut-être même piqué à Pierre Bénichou. Une autre citation pour Patrice Finiels qui habite Bessan, qui a dit « Certains hommes parlent pendant leur sommeil, les conférenciers parlent pendant le sommeil des autres. Ouais, » Jean d'Ormesson, il a dit un truc comme ça. Un ce peu, n'est pas d'Ormesson, ce n'est pas Guitry. Il a dit « La meilleure façon de ne pas s'endormir, c'est de faire les conférences soi-même. Ah » bah, c'est pas loin de Je ça. Je ne pense pas. Pas que ce soit un Français. C'est un Français plutôt du 19e. Écrivain connu ou... Alors, écrivain, mais surtout journaliste, romancier, dramaturge aussi. Dramaturge. Il a écrit, je vais vous aider, il a écrit dans le Figaro sous le nom de Grain d'Orge. Ah oui, c'est son nom. C'est pas Rochefort, oui. Non. Gilbert Purmalte. Non. Non. On est en quelle année? Jean Heineken. Il était académicien français, Jean Heineken non plus. A-t-il une rue ou un boulevard? Oui, ça sûrement, mais enfin, vous n'essayez pas, vous ne le connaissez pas, Caroline. Mais si je connais pas, ils sont assez nombreux à pas connaître. C'est pas Henri Rochefort, non? Non, non, non, non. Ouais, non. Comme si je connaissais pas alors que j'habitais sa rue. Ok. Et alors, dramaturge. Il est mort un 1er novembre, ce qui est bien pour la famille parce que ça fait qu'un voyage. Oui, voilà. C'est Est-ce que ces pièces se jouent encore? Alors, ces pièces se jouent encore. Pas tant que ça, hein, je vais pas vous mentir, pas tant que ça. Non, non, non. C'est, bon, ce sont des. Inconnu, c'est je peux vous donner quelques-unes de ces pièces. Hein, Brignole et sa fille, La bourse ou la vie, l'Institut de beauté, la petite fonctionnaire, les deux hommes. C'est bizarre comme nom de pièces, quand même. Est-ce qu'il avait une moustache? Parce que j'ai vu la photo, là. Donc, Il avait une moustache, effectivement. C'était la mode. C'est un bon signe. Mais n'avait pas vu le nom, c'est con parce que le nom était plus gros que la moustache. Mais moi non plus, j'ai pas vu le nom. Bah attendez, journaliste. Bah non, ça peut pas être lui. Non, là, je compte évidemment sur Monsieur Peroni, sur Monsieur Gisbert. Ah oui, c'est carrément du repris. Il a écrit des romans qui ont marché? Ah, des romans, n'exagérons pas. Effectivement, il a écrit quelques romans, mais c'est surtout des pièces de théâtre. Ah, c'est pas grand-chose, quoi. Mais c'était des triomphes, ces pièces, pour qu'il devienne académicien? En même temps, il y a un roman qui est, on va dire, presque son chef-d'œuvre, qui s'appelait Qui perd gagne. Jean-Jacques? Oui, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah ta gueule, toi, dis donc, tu vas pas te mettre non plus, hein. Bon, François-Olivier, ça va retomber dessus maintenant, parce que un vieux nœud qui est en 1900, je sais pas quoi. Écoutez, c'était un nom qui revenait régulièrement aux grosses têtes. Alphonse Car. Alphonse Car, oui, c'est ça. À l'époque de Philippe Bouvard, et c'est vrai. Alfred Capu. Alfred Capu, la réponse de Jean-Jacques Peroni. Tu dormais. Direction Chantilly pour les courses, Bernard Glass. Oui, on y revient avec un petit problème technique réglé pour, rappel bien entendu, Isabelle de l'arrivée du Quintet, qui était la quatrième épreuve, la bonne combinaison, le 14, l'As, le 3, le 13 et le 5, le numéro plus, 2692. La septième, où le 8 était non partant, a vu la victoire du 4, Joko, 12 et 4, 50, devant le 11, Rose de l'Oise, 8, 20 et l'As, Ray of Hope, 3, 60, quatrième place pour le 7. Et la huitième et dernière, c'est le 9, Giloulou, qui l'emporte, 70 et 2,80 devant l'As Spirit of Neyef, 2,20 placé, le 3 Les Prado, 1,80, 4e le 6, 5e le 16, les résultats complets. Les pronostics pour demain, le répondeur 32,10 et le site au refait les courses.fr, Isabelle. Alors à demain, Bernard. À demain. Bonjour, c'est Michel Simès. Tous les matins à 8h15 sur RTL, je vais m'occuper de vous. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès sur RTL. Ensemble, nous allons voir ce qui est bon pour votre santé, pour votre bien-être. Ma seule obsession, ce sera votre corps. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Et puis, je vous parlerai quand même de médecine, on ne peut pas se refaire. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Alors, à demain à 8h15 dans RTL Matin avec Yves Calvi. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités magasins participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Suite des grosses têtes de Laurent Ruquier. Une question pour Véronique Deschamps qui habite Francastel dans l'Oise. Dans VSD, cette semaine, on peut voir sa photo, ce qui est très rare car il en existe peu des photos de cet homme qui s'appelle Emmanuel Beignet. Mais de qui s'agit-il? Ah bah c'est le patron de Lactalis. Bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. Eh oui, le patron de Lactalis, qui quand même est la 13e fortune de France, selon le magazine Challenge, mais qui est un homme très discret. Numéro 1 du lait dans le monde. Un numéro 1 mondial du secteur du lait, effectivement. Oh bah c'est pour ça que je le connais pas, moi. Ça, c'est sûr que c'est pas toi qui a fait sa fortune. À une lettre près, j'étais milliardaire. Si on vous a déjà surnommé le numéro 1 du lait. Mais la beauté des laits, vous savez. Il a 45 ans. Ouais. C'est un bon parti, Michel. Ah bah, oui, c'est pour ça que je dis à une lettre près. Je suis là aussi. Hein. Ou mais enfin, la laitière, il l'a déjà. Mais en même temps, moi, je suis pas dans le demi-écrémé non plus. Alors évidemment, on parle aussi beaucoup de la phrase d'Emmanuel Macron quand il a quitté Bercy, et ce sera une question pour Christophe Mériot qui habite Orchaise dans le Loir-et-Cher, la fameuse phrase empruntée à Marcel Pagnol, extraite cette phrase de Fanny, « Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, acheter une île. Voilà la phrase qu'a prononcée Monsieur Macron. Citation tirée de Fanny, de Marcel Pagnol. Mais ma question, justement, c'est dans Fanny, on sait qu'elle est enceinte, évidemment, de Marius, mais qu'elle va devoir épouser Panis, puisque Marius est parti, évidemment, justement, sur la mer avec son bateau. Elle est enceinte, elle a un enfant, évidemment, qui est déjà né quand Marius revient. Mais comment s'appelle l'enfant? Merde, oui, comment s'appelle l'enfant de Fanny et Marius? Césario. Bah oui, Césario, voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Voilà. Césario. C'est pas joli comme prénom, Césario. Hein. Ça fait un peu césarienne. Mais... C'est vrai que c'est pas mieux s'appeler césarienne que épisiotomie. Oh non. Ça s'est bien passé, vos accouchements, vous, Caroline. Enfin, votre accouchement. Ah, je croyais qu'il parlait à Gisbert. Bah là, il fallait une épisiotomie. C'est une chose dont vous nous avez jamais parlé, ça, Caroline. Vous êtes maman toutes les deux, Caroline. Ouais. Et bon, vous, la rentrée scolaire, c'est fini. Oh vous... oui, là, ça y est, on est bon. Là. Elle était stagiaire, votre fille, cet été, d'ailleurs. Elle n'a pas travaillé pour Lactalis. Non, elle a travaillé, elle a coupé du fromage au Monoprix. Ah bah c'est pareil. Elle vous remercie. Elle s'est levée à 5h du mat tous les jours et, comment vous dire, elle a compris l'importance des études. C'était dur. Ah c'est vrai? Oui, elle en a chié. Ah, et c'est pour ça que vous l'avez foutu chez Franprix alors? Non, pas chez Franprix. D'abord c'est elle qui a... Je lui ai dit, tu cherches toute seule, tu trouves toute seule. Sauf qu'ils sont pas cons, ils mettent cherchons équipier polyvalent. Donc ça veut rien dire. Donc vous, vous inscrivez. Équipier polyvalent, c'est pour découper du fromage. Ah bah ça peut être, du coup, bah polyvalent. Donc là, elle était à la découpe du fromage. Et puis tous les fromages ne se coupent pas de la même manière. Non, bah non. Mais dans une chambre à moins de 10 degrés. Elle t'en a ramené à la maison. Non, ah ben non, parce qu'ils jettent. Ah bon? Ils ne donnent rien aux employés, rien aux gens qui ont faim. Monoprix, tu nous écoutes, c'est pas bien. T'aurais dû me dire, je l'aurais fait embaucher chez Carrefour Market. Une autre question littéraire pour Bruno Fripia, qui habite Villepinte, dans l'Aude. Vous savez qu'il y a une comédie musicale qui va se jouer à partir du 22 septembre au Palace à Paris, qui va s'appeler Le Rouge et le Noir, puisqu'elle est évidemment tirée de l'œuvre de Stendhal. Évidemment, on suivra les aventures de Julien Sorel et évidemment de Madame de Rénal, dont il est éperdument amoureux. C'est-à-dire elle, surtout, qui est amoureuse de lui. Oui, hein, oui, lui, il est intéressé. Oui, lui, il est plutôt intéressé. Mais justement, Monsieur de Rénal, l'époux de Madame de Rénal, est maire d'une commune, évidemment, où se passe la première partie du livre Le Rouge et Noir de Stendhal. Comment s'appelle cette célèbre commune dans le roman de Stendhal? Si je le trouve... C'est Besançon, non, c'est pas, pardon? C'est pas Besançon. C'est près de Besançon. Oui, je sais, c'est dans la Franche-Comté. Ah, on va trouver. Non, il te demande pas la région. Oui, alors, mais je sais. Où t'as le nom du Marteau? On va le trouver. Un marteau. On va le trouver. C'est pas Montbéliard. C'est un Sochaux. Épinal. Épinal, non. Non, non. C'est dans le Doubs. En tout cas, c'est vrai, et c'est près de Besançon, c'est vrai. Et Besançon, c'est près de quoi comme grande ville? C'est près de Montbéliard. Est-ce que ça... Madame Besançon, c'est une grande ville, voyez. Est-ce que ça a un nom de fromage, Laurent? Vous voyez les Vosges? Ben, c'est pas là. Ah. C'est plutôt dans le Jura, vous voyez. Dans le Jura? Eh ben, voilà. Voilà. C'est pas Pontarlier. Ah ben, vous, on va vous envoyer découper du fromage. Ta appelle ta fille, elle doit savoir. C'est une petite bourgade. Oui, ah ben, elle est très connue. Pour, oui, très connue, pour tout vous dire, elle est même... plutôt imaginaire, hein. Ah, Stendhal, ben... Stendhal s'est inspiré, j'imagine, d'une commune qui est à la frontière franco-suisse, mais on n'est même pas certain. Ah, en tout cas, telle qu'elle et telle que dans le roman, elle n'existe pas. Mais moi, je voulais vous dire, moi, franchement, en tout cas, je connaissais le nom de cette ville, hein. C'est pas souillé sous lui. Ah, non. Ah, Jeanne Masse. Je connais la doyenne, Jurine de Fontencomble. Oh. C'est pas Neverland. Hommage à Jacques Martin. Exactement. Alors. Est-ce que c'est un nom en combien de lettres? Est-ce qu'on peut le faire en rébus ou en charade? Non, non, je ne ferai pas en rébus parce que je pense que M. Perroni, M. Gisbert et M. Semoun, qui est lettré aussi. Ah oui, je lis beaucoup, mais alors ça, je n'ai pas lu. Vous ne voulez pas m'interroger sur l'éducation sentimentale? Je viens de le finir. On l'a lu. Non, mais moi, je n'ai pas lu tout. J'ai lu que Le Rouge, moi. Tu m'étonnes. Bon, ben, je prépare un chèque de 300 euros. Moi, je me suis euros, arrêté allez. Au noir. Ouais. Non, je fais un peu de culture, là, que je demande aux grosses têtes, évidemment. Bah oui, oui. Mais alors, est-ce qu'on dit souvent aujourd'hui ce nom de village pour exprimer quelque chose? Non, ça non. Fait pas partie. Ah, si. Ah. C'est aussi un nom commun, vous avez raison, Michel. Un nom commun qui a à voir avec un ustensile. Non, non, non. Mais c'est vrai que pendant l'été, même plutôt l'hiver, d'ailleurs. Ah, c'est un parasol? Ah, pas, ah, on se rapproche. Ah, par un... parapluie. Non, non, pas phonétiquement. Paratonnerre. Mais... Ah, c'est une un abri... ombrelle. Ah, ombrelle. Mais non, ombrelle. Il vous reste 30 secondes, puis autrement, on va envoyer un chèque. Qu'est-ce que je vous dis ? Barbecue. Je ne pensais pas vous faire chuter sur le rouge et le noir. Je pensais que tout le monde connaissait par cœur. C'est un des 10 romans les plus célèbres au monde. Vous voyez. Mais on ne les relit pas tout le temps, on ne les relit pas tout le temps. Oublie. Comme ça, vous irez voir la comédie musicale et vous réviserez, parce que certainement que vous entendrez à nouveau le nom de ce village, d'où vient évidemment Julien Sorel, dont évidemment M. Drénal est le maire et l'abbé et le curé Chélan qui protègent le petit Julien. Ben voilà. Là, et le prêtre de la paroisse de la paroisse de ombre, non. Non, pas ombre, non, non, pas ah, ombre. Ah, de soleil. Non, pas de soleil. C'est quelqu'un. On va vérifier la culture de notre public. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui peut humilier les grosses têtes? Est-ce que quelqu'un le sait dans le public? Non, personne. Non, mais ça tombe mal aujourd'hui. C'est la Belgique. Non, mais il y a que des Belges. Je suis bien content parce que vous la défendiez tout à l'heure. Mais non, je les aime. Parabouts. Non, parabouts. Écoutez, vous allez, quand je vais vous donner le nom du village, d'où part évidemment Julien Sorel, vous allez tous me dire, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est 300 euros pour Bruno Fripia, qui habite Villepinte dans l'Aude. C'est Verrières. Bah oui, évidemment. Verrières. Et une verrière, ça existe, une verrière. Et le buisson aussi. Mais enfin bon, voilà. En tout cas, c'est 300 euros. Tant mieux, évidemment, pour notre auditeur, Monsieur Fripia. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur le PC Hewlett Packard, notebook 15 pouces, disque dur 1 Tera, 4 Go de RAM à 479 €, soit un bon d'achat de 191,60 €. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 5 au 11 septembre. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99 € par mois pendant un an, au lieu de 26,99 €. 14,99 €. Avec l'accès à des applis Android TV, dont YouTube et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. T'sais. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99 € par mois pendant un an, au lieu de 26,99 €. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 € par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a ? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveautés sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1+1=3, pour 2 articles achetés, le 3e est offert. Pour 2 articles achetés seulement, le 3e est offert ? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur Célio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Laurent Ruquier et ses grosses têtes sont avec vous. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Élise est au téléphone. Bonjour Élise. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Élise. Très joli prénom. Voilà ce que j'allais dire. Vous nous appelez depuis la Haute-Savoie. Élise, où exactement ? À Crangevrier, c'est l'agglomération d'Annecy. Ah très bien, tout près d'Annecy. C'est très joli Annecy, joli là. C'est magnifique, oui. Magnifique. Que faites-vous dans la vie Élise ? Je conseille, je vends des cuisines. Vous vendez des cuisines? Ah, ça m'intéresse. Écoutez, alors allons-y. Vous m'avez jamais vu, on est d'accord. Je suis en plein travaux, alors allons-y. Quel genre de cuisine? Je travaille pour Mobalpa. Ça m'intéresse moins. Ça ne m'emballe pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, moi j'en ai acheté une là, cet été, on me l'a installée, parfait. Chez Mobalpa? Beau travail. Nickel chrome, c'est même hallucinant. Vous pouvez mettre sur les catalogues, recommandé par Franz Olivier Gisbert. Ouais. Bon, je pense que alors. Ça va vendre deux fois plus. Oui. La cuisine d'Himmler. C'est un de vos, une de vos plus belles réussites. Ouais, gros succès. Quand même, gros succès littéraire. Mais c'est une cuisine bibliothèque, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'ustensiles, il n'y a que des livres. Élise, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes en week-end. Où ça? Bah, tout simplement à Tours, puisqu'à l'occasion du marathon de Tours, nous offrons une nuit magnifique dans un magnifique hôtel 4 wow. étoiles. Ça fait beaucoup de magnifiques, vous allez me dire. Mais en même temps, on va atteindre l'extraordinaire. Écoutez, il y a 28 chambres. Hein. Oui, mais alors on aura dort dans toutes les 28 chambres. Non, c'est à Rochecorbon, très précisément. Alors, c'est pas loin de Tours. Oui. Rochecorbon, c'est au bord de la Loire. Oh, donc c'est moderne à l'intérieur. C'est vieux dehors. Mais c'est jeune dedans. Très moderne, très très moderne. Je connais bien le principe. Bon, je crois qu'Élise a déjà raccroché en fait. Ah non mais Élise, ça va vous faire un joli séjour, je croyez-moi. Je ne sais pas si je dois aller courir ou pas pour gagner la chambre en plus. Non, on n'est pas obligé. Mais vous aurez le droit au maillot de la course, le dossard. Et vous aurez le droit aussi à la paella géante d'après la course. C'est vraiment une spécialité tourangelle, la paella. Ça, alors là, je vous recommande les gros bouts de rillettes à l'intérieur. Oui. Rochecorbon, au bord de la Loire, vous attend, évidemment, si vous répondez à la question qui vient. Attention, j'espère que vous avez bien révisé, Élise. J'espère aussi. Aujourd'hui, dans la presse, tout le monde reparle du peintre de la Tour Eiffel. Mais à quelle occasion? Ah oui. Ah, Élise Semoun semble le savoir. Ah oui, je sais. Je mets la question, s'il vous plaît. Bien sûr. Aujourd'hui, dans la presse, tout le monde reparle du peintre de la Tour Eiffel. Mais à quelle occasion? C'est le photographe Marc Riboud. Wow. Oui. Attention. Pas tout à fait. Attention. Vous avez quasi la réponse, mais ce n'est pas la réponse. Alors, c'est pour le décès de Marc Riboud? Voilà. Ça, c'est mieux parce que le peintre de la Tour Eiffel, c'est pas Marc Riboud. Mais en revanche, c'est une photo signée Marc Riboud qui vient de nous quitter. Bravo, Élise. C'est gagné. Bravo. C'est une de ses plus célèbres photos. Genre, je le connaissais pas très bien, moi, ce photographe. Il est mort à 93 ans. Mais il y a une photo, effectivement, qu'on avait tous déjà vue. C'est la fameuse jeune fille à la fleur, symbole de l'opposition à la guerre du Vietnam. Et puis, quant au peintre de la Tour Eiffel, on le voit aussi, ce monsieur, effectivement, en train de peindre. C'est pas quand la Tour Eiffel est construite, hein. C'est bien plus tard. C'est quand on la repeint, j'imagine, la Tour Eiffel. Monsieur. Enfin, c'est toujours aussi haut, hein, cela dit. Oui, bien sûr. Bah, ça dépend si vous peignez les pieds. Mais j'ai travaillé avec lui, là, quand j'étais à l'homme. C'est, après c'est vrai. Oui, bah c'est quelqu'un qui était une énorme gloire internationale. Ah oui, oui. On l'a complètement oublié, mais c'était dingue ces photos, que ce soit pendant la guerre du Vietnam, puis récemment encore des photos sur Castro qui sont formidables. Même Barack Obama, il est allé faire des photos pour l'élection de Barack Obama. C'est vrai. Ah oui, donc il est en forme tard. Ah bah à 93 ans, vous savez, vous pouvez encore appuyer sur un bouton pour faire une photo. Oui, mais faut y aller faire la photo aux États-Unis. Bah oui, tu peux voyager à 93 ans. Il y en a qui voyagent. Ouais. Hein. En avion, hein. Même des Anglais. Il est allé à pied. Oui, à pied. Qu'il a pas fait la nage. Mais il y a des gens à 93 ans qui ne peuvent plus prendre l'avion, pardon. Bah, surtout s'ils sont morts à 92. Oui, ça, c'est sûr. Ou alors c'est parce qu'on les ramène. En tout cas, vous êtes contente, vous partez à Tours? Ah bah oui. Ah, ça fait plaisir depuis la Haute-Savoie. Ah bah surtout que je connais bien l'Indre-et-Loire, je suis originaire du Loir-et-Cher. Retournez dans votre famille, vous y allez jamais. J'y vais de temps en temps, mais ça fera une excuse de plus. Et vous saluerez nos amis de la Nouvelle République. C'est eux qui vous offrent, avec le marathon de Tours, ce magnifique séjour dans cette région que manifestement vous aimez tant. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Hier, je me suis aperçue que mon phare avant droit ne fonctionnait plus et je voudrais changer l'ampoule toute seule pour réduire mes frais. Eh bien, commandez dès maintenant vos ampoules de phare sur oscaro.com. Oscaro vous propose tous les modèles d'ampoules, quelle que soit la marque de votre véhicule, jusqu'à 2 fois moins cher. Merci du conseil, Oscaro. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est Rappé. Comment ça c'est Rappé? Bon, je vous mets au jus. Je suis chez Lidl là, et demain et après-demain, ils font la barquette d'un kilo de carottes à 69 centimes. 69 centimes le kilo de carottes chez Lidl? Oh purée. Ah, c'est le vrai prix, hein. Et origine France, hein, pour pas changer. Pour nous les carottes, hein, ben... Bah elles sont cuites, je sais pas trop, hein. Non, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 20-45, variété nantaise, origine France. 16h-18h, les grosses têtes de RTL avec Laurent Ruquier. Cet après-midi dans le grand studio, Élise Semoun, Grishka Bogdanov, Franz-Olivier Gisbert, Caroline Diamant, Michel Bernier et Jean-Jacques Perroni. Une autre question cinématographique, celle-là, pour Nicole Richard, qui habite la Daguenière, c'est dans le Maine-et-Loire. Cinématographique, mais pas seulement, littéraire aussi, puisqu'un auteur qui s'appelle Arnaud Sagnard vient de publier chez Stock tout un livre qui est une forme d'hommage à un acteur, célèbre acteur, dont je vais vous donner les premiers films, les titres de ses premiers films, à vous de le retrouver. Je retourne chez maman. Mademoiselle gagne tout. L'homme au masque de cire. Bronson. Charles Bronson. Oui. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Je n'avais pourtant pas choisi les titres de films les plus simples. Non, je retourne chez ma mère, j'avoue que je... Non, mais le bouquin, j'ai ouvert hier soir. Ah, donc, vous connaissez le bouquin qui s'appelle Bronson. Oui, oui, absolument. Et c'est un hommage à Charles Bronson. Bien, ouais. Et c'est vrai que Bronson, si je vous avais dit Les Sept Mercenaires, oui. La Grande Évasion, Les Douze Salopards... Après, on avait une chance sur 7 ou une chance sur 12 aussi. Oui. Hein. Et il était une fois dans l'Ouest, évidemment. Ah bah, injusticier dans la ville. Aussi. Injusticier dans la ville. Le passager de la pluie, évidemment. Et le flingueur, parce que c'était quand même aussi un flingueur. Oui. Il avait une faculté à ouvrir les portes avec son épaule, Charles Bronson. Oui. Parce qu'il était petit. Tout petit. Ah, c'est vrai? Oui, il était petit. Les grands acteurs américains sont souvent tout petits, comme Tom Cruise, Robert Downey, ça, ils sont minuscules. James Cagney était tout petit. Oui, tout petit. Bogart aussi. Pourquoi vous n'avez pas fait carrière là-bas? Non, je ne suis pas très grand, moi non plus. Ouais, c'est pour ça. Mais tu ouvres pas la porte avec ton épaule. Non, mais je risque de me casser l'épaule quand même, si jamais. Vous avez déjà essayé d'enfoncer? Moi, j'ai jamais fait ça, d'essayer d'enfoncer une porte. C'est pas écoutez, oui, merci Laurent. Alors, je vous explique. J'arrive tout à fait à baiser sans être obligé de défoncer des portes. Je voudrais juste vous rassurer. Attends, j'ai pas compris là. C'est un truc entre vous là. Ils me regardent comme si j'étais obligé d'enfoncer des portes pour rentrer chez un. Les hommes ne se barricadent pas quand j'arrive. Je n'ai pas dit, ça. Dit ça. Je sonne et on m'ouvre gentiment. Non, mais y a d'autres. Je paye et ensuite je me sers. Mais non, mais. Complètement parano. On voit toujours ça dans les films. C'est vrai, quelqu'un qui défonce une porte parce qu'elle est fermée. Moi, j'ai jamais essayé ça. Moi, je le ferais avec le pied, en tout cas. C'est avec le pied. Ouais, j'enverrais le pied, j'enverrais pas l'épaule. Ah, c'est vrai. Bogdanov, vous avez essayé déjà? En fait, les portes sautent toutes seules. La première, peut-être. Une autre question, si vous le voulez bien, pour Gaël Burlot, qui habite Bullion. Rocabot, Guériland et Thiboudet sont de la 7e génération. Mais 7e génération de quoi? C'est une bande dessinée. Bande dessinée, pas tout à fait. Un dessin animé. Pas tout à fait. Un manga, pas tout à fait. Pokémon Go. Pokémon. Oui. Ce sont des Pokémon. Bonne réponse. Alors là, écoutez. Je dois dire que je suis surpris par le nombre de Pokémon qui existent. Moi, je pensais qu'il y en avait 4, Pikachu et je sais pas qui, là, mais... Enfin, je sais pas qui, c'est pas un vrai nom. Non. C'est pas ça. Mais alors là, j'ai la liste. Il y a plusieurs générations de Pokémon. Je vais pas tous vous les donner, mais c'est absolument incroyable. De Bulbizarre à Salamèche, en passant par Chenipan, Crisacier... Salamèche, ouais. Ah oui, ça, c'est les anciens, on les connaissait. C'est nos enfants. Dardarnian, Topiqueur, Parasect... Vous chassez le Pokémon, vous, monsieur Bogdanov? Bien entendu. Qui chasse le Bogdanov. Il y en avait un où? Il y en avait un juste à l'entrée. Je vois quelqu'un qui était très très concentré devant la porte d'RTL. Mais il y a une heure et demie et il me dit je suis en train de trouver un Pokémon qui va probablement rentrer dans c'était dans Philippe Bouvard qui sortait. On m'a installé l'application. Sans rire. Ouais, ouais. Sois toujours attentif et regarde autour de toi. Ah bah c'est Caroline tiens. Ça y est. C'est bien, ça fait sortir les enfants des canapés. Parce que vous rangez vos enfants dans le canapé. Non, mais ils se font renverser sur la route, c'est bien aussi. Non, mais c'est vrai qu'ils marchent un peu. Mais c'est non, la première fois, moi j'ai des ados. Oui, je les vois marcher un peu. Mais il paraît que c'est très bien aux États-Unis parce que les gens ne marchent plus. Oui, ils se font écraser par les voitures. Vos enfants chassent le Pokémon. Oui, bien sûr. J'assiste à ça. À 52 et 53 ans. Ah non. Non, ça c'est la première fournée. Il y a la deuxième fournée. Mais ils font ça avec leur belle-mère qui a 18 ans. Jusqu'au 13 septembre, chez Conforama, les tops de la rentrée vous attendent à prix coûtant. Par exemple, le réfrigérateur combiné phare 161 litres n'est qu'à 172,97 €. Belle heure, vite, c'est un prix à saisir coûte que coûte. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. En ce moment, c'est le Happy 55e anniversaire Auchan. Anniversaire veut dire cadeau. D'ailleurs, j'ai entendu parler de voitures à gagner. Oh, ben dis donc, ça m'intéresse. Attends, écoute. Jusqu'au 13 septembre, Auchan fête son anniversaire et met 55 Renault Twingo en jeu. Alors tentez votre chance chez Auchan et dans les magasins à deux pas. 55 Renault Twingo à gagner. Super. Et 10 Renault Twingo de plus sont à gagner dans les magasins Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Jeu gratuit sans obligation d'achat pour l'ensemble des magasins et sites participants. Voir règlement sur Auchan.fr. Happy égale heureux. Audrey Crespo-Mara, c'est quoi pour vous mettre les gens au cœur de l'info ? C'est recevoir tous ceux qui, politiques ou non, ont le pouvoir de changer notre vie quotidienne. Tous ceux qui ont une vision concrète sur ce que sera notre avenir proche. Et ça, c'est passionnant. 8h15, l'invité de LCI Matin avec Audrey Crespo-Mara. LCI, vous êtes au cœur de l'info. Sur le canal 26. Il faut que je pense à faire ma vidange. 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite. Avec Oscaro.com, vous pouvez facilement effectuer vous-même votre vidange. C'est possible. Oscaro.com vous propose un kit de vidange adapté à votre véhicule. C'est vraiment simple et très économique. Je me lance. Et en ce moment, en commandant de l'huile Castrol sur Oscaro.com, vous pouvez gagner un week-end VIP pour deux personnes au Rallye de Grande-Bretagne avec hébergement en hôtel 4 étoiles. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Retrouvez dans quelques jours à Paris la nouvelle pièce de Laurent Ruquier, à droite, à gauche, avec Francis Huster et Régis Laspalès au Théâtre des Variétés. Et c'est à partir du 15 septembre. Tout le monde est en train de rigoler parce que Gisbert ne se souvient pas de combien il a d'enfants. Ouais. Non, non, il se souvient très bien du nombre d'enfants, mais quand je lui ai demandé avec combien de mères, il a hésité entre deux et trois. Deux. Ça fait... Non, j'ai cinq enfants avec deux mères et il y a un sixième, si tu veux, c'est pas net, la situation est... Oui. Bon, voilà, enfin, tu vois, c'est pas... Tu sais pas qui est la mère ou tu sais pas qui est le père ? Ah non, je connais la mère par cœur, mais elle a trouvé un autre arrangement avec cet enfant, voilà, c'est comme ça. Quoi ? D'accord, ah, tu sais, avec cet enfant. Il a été reconnu par quelqu'un d'autre. Voilà, ah, d'accord, mais s'il nous écoute, il sait que t'es son père ou c'est une révélation ? Je sais pas parce que j'ai jamais parlé. Ok, bah au cas où tu nous écoutes. Je l'ai vu. Franz-Olivier Gisbert est ton père. Là, il y a un paquet de garçons qui vont faire. Mais... C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a préféré le donner à la manque ? Non, non, non, mais vous savez, c'était en 68, là, on faisait que... Ah oui, elle a voulu beaucoup, voilà. Un jour, elle m'a dit, voilà, je t'annonce, je suis enceinte et je te quitte. T'es vraiment un porc, un salopard, elle m'a foutu des baffes et tout. On te demandait pas autant de vérité, là, parce que ça m'en est un peu mal à l'aise. Mais ce n'est pas grave, car il est derrière la porte et il va rentrer. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Monsieur Semoun, aucun doute, vous, sur... Non, non, non, je sais que Caroline est ma mère, ça, c'est sûr. Après, le reste, je sais pas. Une question pour monsieur Guy Germain, qui habite Donnery, dans le Loiret. Aujourd'hui, on va beaucoup parler sur RTL de Gordon Matthew Thomas Sumner. Mais de qui s'agit-il ? Il est né à Newcastle, je vais vous aider un tout petit peu, oui. Né à Newcastle d'un papa ouvrier, d'une maman coiffeuse, Gordon Matthew Thomas Sumner. Mais c'est vrai qu'on ne l'appelle jamais sous ce nom. C'est un chanteur. Un chanteur. Non. Imani ? Imani, pour moi, c'est une gonzesse. Non, non, non, non, c'est Sting. Et c'est Sting. Bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est vrai qu'on ne connaît pas le vrai nom de Sting. J'ai découvert ça ce matin. En même temps, c'est plus facile à retenir Sting que tout le nom qu'il y avait avant. George Machin, Newcastle. Gordon Matthew Thomas Sumner. On le connaissait évidemment aussi sous le nom de Police avant, hein, avec son groupe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est solo, Sting. Il y a un nouvel album qui sort et RTL est évidemment... Enfin, pourquoi je dis évidemment d'ailleurs ? Oui, parce qu'il aime bien RTL, Sting. Je ne sais pas. Sting, oui. C'est bien Sting, monsieur Perroni, quand même. J'aime pas trop. C'est un peu chiant. Ah oui, je suis étonné. Oh, bah, voilà autre chose. Non. Bah, oui, il a pas de voix, c'est chiant. Vous pouvez recommencer parce qu'on est partenaire et toute la journée on en passe sur la chaîne. Oh, eh ben, vous faites ce que vous voulez, vous me demandez mon avis. je les empêche pas d'acheter, vous me demandez mon avis, oui. Je trouve ça un peu chiant. Non, mais c'est un truc pour les femmes. Mais c'est mou. Mais arrête de dire que c'est mou. On n'aime pas tout ce qui est mou. Traite-moi ça dépend à quelle heure de la journée. Bah oui, mais même. Moi, j'aime bien Sting. Mais bien sûr que c'est bien. Mais Jean-Jacques, il aime bien le rock un peu plus dur. Mais c'est gnangnan. Plus musclé. C'est gnangnan. Voilà. Mais non, c'est pas gnangnan. Mais non, c'est pas gnangnan. C'est trop mélodique pour eux, voilà, parce qu'ils aiment bien. Mais c'est pas mélodique, t'as vu, il a pas de voix en plus, c'est tout éraillé. C'est pas de ta génération. Il a fait carrière, on se demande comment. Bah, sûrement pas avec la voix, je veux dire. Non, mais enfin, écoutez, on est là, on est partenaire de la sortie de cet album. Il ne fallait pas nous demander notre avis. Oh, elle est belle, la démocratie, nom de Dieu. Non, mais ça, si y a un truc qui me fout en rogne, c'est bien ça quand même. Mais alors, d'abord, on aime Johnny. Hein, et oui. On aime, on en profite que Benichou n'est pas là pour dire qu'on aime Aznavour. Il fait et son même, grand retour sur RTL. C'est son 12e album studio, vous voyez. Voilà, alors on espère que c'est le dernier retour. Oh non. Non, puis en plus, c'est un bel homme. Ben voilà, et dans tu parles, t'as vu la tronche, excuse-moi. Mais ça va pas, non, mais il est vachement bien. Il est beau. Non, écoutez, écoute, non, non, franchement. Non, non, non. Oh, bah alors. Ah bah alors. Bourville qui après, défend c'est l'imitation des Belges, l'imitation de Bourville. Ah bah alors. Non mais la station m'a. Oh bah la station oui. Elle va bien marcher comme ça. La station me fait confiance, vous voyez. Oui, bah elle a raison. RTL me fait confiance. Plus pour très longtemps. Me dit, me dit écoutez, monsieur Riquet, ce serait bien aujourd'hui que vous passiez un Sting, car on est partenaire. Oh de... non enfin, si. Pas ça, non. I can't stop thinking about you. En plus, ils savent que je parle bien anglais. I can't stop thinking about you à l'instant, c'était Sting sur RTL. RTL, première radio de France. C'est cette année ? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire ? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. je suis le dressing de chez Castorama. Et avec tous mes copains du rayon rangement, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à aller jusqu'au bout de leur projet. Pas vrai les amis? Oui! Alors ça tombe bien, parce que demain et jusqu'à dimanche, Castorama vous offre 15% de remise sur les dressings, les portes de placard, les boîtes de rangement et accessoires de penderie. Oh, ça y est, je sens que je vous donne déjà envie de ranger. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste et horaires des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Euros, frontières, fiscalité, chômage. Pour lutter contre la crise, nos responsables politiques sont loin d'avoir tout tenté. Pour François Langlais, les solutions existent. Il faut juste avoir le courage de les appliquer. 2017 est notre dernière chance, sinon tant pis, nos enfants paieront. Tant pis, nos enfants paieront de François Langlais, un livre Albin Michel avec RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Une question pour Dominique Lavergne, qui habite Arthès-Dasson, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, et cette question va me permettre de vous emmener au Gabon, où les élections sont tendues. Ah, hein, belles élections, comme on aime. Ah oui, des élections. Comme des élections à l'UMP. Ouais. Alors évidemment, ma question est toute simple. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Ah oui, il y a beaucoup d'argent. C'est pour ça. Ah oui, oui, c'est un vrai enjeu. C'est un pays riche. Ma question à propos du Gabon sera en tout cas géographique. Elle est très simple, hein. Vous allez tout de suite pouvoir me répondre. C'est la capitale du Gabon que je vous demande pour Dominique Lavergne des Pyrénées-Atlantiques. Jamais le bon truc, c'est ça. Ah ouais, hein. Alors là, je savais que c'était Ali, le prénom. Ah, parce que, qu'est-ce que vous aviez révisé? J'ai révisé Bogota. Le prénom de Bongo, c'est Ali. Yamoussoukro. Yamoussoukro, non. Non. Mais non, on connaît que ça. Alors non, franchement. Il y a un L dedans, non? Pardon? Il y a un L dedans. Ah, ben on n'est pas au chiffre. Libreville. Bonne réponse. De Jean-Jacques Perroni. J'ai eu peur. Hein. Oh oui, on connaît tous. Oh on connaît tous. Mais non, on est vieux, faut trouver, faut aller mais chercher dans vieux, le fond toi, du cerveau. Tu es vieux. Il faut rechercher les trucs, on te met un merde. Il sait qu'il y a du pognon au Gabon, il connaît pas la capitale. Mais tu te fous de la gueule de qui? Il y a une autre ville très connue au Gabon, c'est Port-Gentil. Ah, c'est celle-là que je connaissais. Il est gentil, le cochon. Une question pour Coralie Nauvink, qui habite Annecy-le-Vieux. Et la question concerne deux acteurs que vous avez peut-être vus cette semaine. Mais je vais vous demander, évidemment, qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces deux acteurs, Parker Sawyers et Tika Sumpter. C'est le nom des rôles? Ah bah oui, non, c'est le film sur les Obama. Expliquez. First Date. Ah oui. On a First fait date. Un film, on a fait un film qui raconte leur première rencontre, voilà, avec deux acteurs qui sont paraît-il excellents. Mais enfin, c'est vraiment pas le film qu'on a envie d'aller voir, quoi. Mais la rencontre c'est vachement bien. Entre Michel oui, parce que les acteurs sont bons, mais je crois la que la rencontre entre Michel et Barack Obama. Bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. Ouais. Il est stagiaire dans le cabinet d'avocats où elle est associée. Ils doivent passer une journée ensemble, mais boulot, hein, normalement. Ah oui. Et puis finalement, ils vont aller au musée, dans un bar, puis au cinéma, voir un film de Spike Lee. Et là. Le cinéma, il n'y a rien de mieux pour emballer. Quand il n'y aura plus de cinéma, comment on fera? Parce que ça, c'est formidable. Ah, vous avez beaucoup emballé au cinéma. Oh, bah, quand j'étais jeune, c'est formidable. Parce que vous mettez là, immédiatement, dès que c'est noir, vous sautez dessus. Ah, on a tous fait ça d'ailleurs, ouais, Jean-Jacques. Ouais. Non, mais quand il n'y aura plus de cinéma, comment on va faire? Moi, j'ai jamais fait j'ai ça jamais au cinéma. Fait ça. Ah non, non, moi, vous savez, vous alliez au cinéma et puis votre petit copain passait la main sur votre épaule. Ensuite, la main commençait à descendre de plus en plus. Moi, j'allais encore plus vite. Hein. J'allais plus vite que ça encore. Je sautais les étapes. Ah oui, parce que la fille que tu connais un peu, qui accepte de venir avec toi au cinéma, bon voilà. Bah non, moi j'acceptais d'aller voir un film. Excuse-moi, c'était pas pour aller au cinéma. Non, mais il y avait que des films d'horreur qui s'appelaient Le Styx. Ah oui. Et ah au, oui. Au fond, la salle, les fauteuils étaient dans des cercueils. On prenait place dans le cercueil, puis dès que ça sursautait, tac, vous la preniez par derrière, si j'ose dire. Rien n'est pas peur, c'est des trucages et tout. Puis là, vous commenciez les manœuvres de printemps, quoi. On n'a jamais vécu jamais ça, nous, ça. Monsieur Simon. Ah non, moi, jamais. Et pourtant, moi. Dieu sait qu'on est allé au cinéma ensemble. Hein. Oui, ça va. Je peux vous jurer que j'ai jamais rien tenté avec vous. Ah, c'est dingue, c'était un truc d'ado quand même. Ah, non, j'ai jamais mais, fait ah ouais, ça. Mais nous, on a été ado, figure-toi. En même temps, j'y allais tout seul, ça risquait pas mal. Et vous, Michel, vous vous souvenez de votre première rencontre avec, avec le papa de vos enfants? Avec Bruno Gassiot, oui, oui, tout à fait. Il venait tout le temps à Charlie Hebdo. Il avait une pièce à l'époque qui s'appelait Sueur, cravate et tricot de peau. C'est Ciné qui avait fait le dessin. Et il venait tout le temps au journal. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai fait « C'est lui que je voudrais bien dans ma vie ». Ah oui, voilà. Alors, tu l'as invité au cinéma? Et non, on a fini par écrire une pièce ensemble, et puis voilà, après on a fait deux enfants. Et les séances d'écriture, visiblement, se sont bien passées. Très bien, merci. C'est une belle rencontre, parce que... Vous lui avez tenu le stylo, manifestement. Waouh. Voilà, on pourrait même excuser cette écriture saccadée. On parlait jusqu'au fond des choses. Et vous, mais comme quoi je suis très inspirante. Et vous, Bogdanov, comment vous l'avez rencontré, votre frère? Chez le médecin. À l'hôpital. Ouais, à l'hôpital. Une question pour Monsieur Semoun. Quand même, il faut que je vous donne votre chance. Ah, je croyais que c'était le nom de l'auditeur. Non, c'est Nathalie Paulmier. Nathalie Paulmier, qui habite Saint-Martin-de-Gurson, en Dordogne, espère 300 euros. En effet, on nous dit qu'il y a eu la fameuse fête de la Tomatina. Comme chaque semaine à la rentrée dans cette ville de Bougnol, en Espagne. 160 tonnes de tomates ont été utilisées pour cette traditionnelle bataille en Espagne. Et on nous dit qu'évidemment, c'est un peu dommage parce que c'est gâché de la tomate. Au moment où, par exemple, au Nigeria, on a une grave pénurie en raison d'une chenille ravageuse. C'est dans Libération que j'ai pu lire ça. Une pénurie de... Alors justement, je ne savais pas ce que c'était. C'est le nom de cette famille de plantes à laquelle appartient non seulement la tomate, mais aussi la pomme de terre, l'aubergine, les piments, le pétunia, entre autres. Vous qui aimez cultiver votre jardin, monsieur Semoun, pouvez-vous retrouver le nom de cette famille de plantes? Je comprends pas, parce que pour moi, la tomate est un fruit. Légumineux. Non. C'est un cucurbitacé, c'est genre cucurbitacé, quoi, faut trouver. Alors, c'est pas cucurbitacé. Mais c'est ça que ça veut dire. Famille de plantes. Oui. Des plantes herbacées, arbustes, arbres, ou lianes avec des feuilles. Et évidemment, ces plantes-là, cette famille-là, est la famille de la pomme de terre, de la tomate, de l'aubergine, des piments, du pétunia, entre autres. Grande famille quand même. C'est une grande famille. Des tubercules. C'est pas les lianacées, non? Les quoi? Lianacées. Les lianacées, non? Ah, l'igname. Non, mais on a la fin. Qu'est-ce que ça peut être? Les aliacées. Mais vous avez la fin. Alors Laurent, question. C'est quelque chose. Là, celui dont on parle, c'est quelque chose qui se mange. C'est des plantes qui grimpent. Alors, sont des plantes. Mais non, les pétunias, ça grimpe pas. Non. C'est une famille qui comprend près de 98 genres et 2700 espèces. Vous voyez, c'est une grande famille. Les ananas. Les bananes. Les ananas. Les oliacées. Les oliacées. Non. Alors, monsieur Semoun, c'était pour vous cette question. Les paliacées. Les opiacées. Non. Tu t'es jamais échoué avec une patate? Les pinacées. Les pinacées, écoutez, ça c'est votre femme, si vous avez ça souvent. Les j'en ai assez. J'en ai assez. Ah oui, j'en ai assez. Non, vous voyez, monsieur Semoun, non, là, vous me faites honte. Oui, ben on va pas distribuer. Galinacées. Galinacées, c'est des... Attendez, les germandracées. Non. Pensez, qu'est-ce qui fait pousser les plantes? Les germinacées. Non, les racines. On met l'engrais. Pardon? Les racinacées. Les racinacées, non. C'est ça, elle a raison, on met de l'engrais, dit Michel. Qu'est-ce qui fait pousser les plantes? Les germes. Les résinacées. Alors, il y a la pluie, mais pas seulement la pluie. Le soleil. Les hélionacées. Les hélionacées. Les soliacées. Non. Héliacées. Non, en fait. La pluie. Je vais pas vous donner tout quand même. L'oliacée. La pluie, c'est la pluie, c'est l'eau? Oléo. Pluviacé. Attendez, monsieur Semoun, le tien. Non. Oléo. Oléo. Oléo. Oléacé. Oléonacé. Oléacé. Non. Oléagineuse. Ah, les solanacées. Solanacées. On n'était pas loin. La famille. Je savais pas. Des solanacées. La tomate fait partie des solanacées. Tant mieux pour Madame Paulmier. Elle gagne grâce aux solanacées. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur le smartphone Motorola 4G noir avec accessoire Bluetooth MotoStream à 149€, soit un bon d'achat de 59,60€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 5 au 11 septembre. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a ? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveauté sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert ? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur Célio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur RTL pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur RTL. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Et tout de suite, votre rendez-vous quotidien. RTL. La valise. 1042€ dans la valise, un demi-parasol et un Transat City Green, des boules au but et le pack RTL de l'été avec le coffret George Lang et une gamme de produits solaires Vichy. Voilà le contenu de cette valise, un numéro entre 1 et 20. Michel Bernier, peut-être ? Donc, ben, on va faire le 2. Le 2, très bien. Appelons le 2. Julie Baert habite Tercy-les-Bains dans les Landes. C'est vous, Michel, hein, qui allez évidemment lui parler si elle décroche. Julie. Elle habite rue des Écureuils. Julie Baert. Et évidemment, on espère qu'elle a bien noté le contenu de notre valise RTL. Ça sonne chez Julie. Michel, hein, vous avez bien noté ? Julie. Baert. Julie Baert. Baert. Tercy-les-Bains. Dans les Landes. À Persil. Tercy. Là, elle est en train de descendre de ses échasses. Voilà. Elle enlève le béret pour voir qu'elle a le téléphone. Elle enlève l'eau du bain. Elle prend sa pelote. Elle tire la chasse d'eau. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Julie. Je ne peux vous répondre pour le moment. Laissez-moi votre message et vos coordonnées et je vous rappellerai. On lui laisse un petit message, Michel. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour Julie, ben alors qu'est-ce qui se passe ? Perdu la valise RTL alors Julie ? On en essaye une autre. Oh, oui. Allez, donnez-moi un autre numéro, Caroline. Je vais peut-être avoir un peu plus de chance avec Caroline. Pardon Michel. Oh, ben, bien sûr. Le 7 Vous venez de me percer le tympan gauche. On dirait qu'elle est au casino. Le 7 Un père passe et manque. Jacques Largillière habite Antibes. Ça sonne là-bas à Antibes, dans les Alpes-Maritimes. On espère que Jacques va décrocher et qu'il va entendre votre voix si suave, si romantique, si douce, chère Caroline. 7 Salut Jacques. Je vais lui faire une voix très douce. Allô Jacques. Oui, c'est qui? Jacques d'Antibes. Oui, oui, bonjour. C'est pour la valise RTL, mon cher Jacques. Non, vous plaisantez. Bah, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? C'est Caroline Diamant qui vous parle, le public des Grosses Têtes qui vous encourage. Oh, bah dis donc. Alors, allô? Oui, allô? Allô, oui, Jacques, c'est Marie-France. Non, eh ben, écoutez, attendez, je baisse ma radio parce que justement, je suis sur RTL avec Michel Drucker. Ah bah oui. Vous avez une vieille radio. C'est génial. Elle est restée bloquée sur... Il capte les émissions d'il y a 20 ans. Ah oui. Oui. Tournez encore un peu le bouton, j'aurai le général de Gaulle à Londres. Oui. Bon, alors, écoutez. Allô, avant que j'oublie, vous m'appelez bien pour la valise. Bien sûr. Oui. Ben, il y a bien 1042. Oui. Il y a un demi-parasol cubain, oui. Un Transat Burama en bois, City Green. Oui. C'est le sponsor. Oui. Un jeu de boules au but. Voilà. Triplette inox. C'est bien, les boules au but, ça suffit, très bien. Voilà, une chamoisine avec un cochonnet. Oui, très bien. Il y a le pack RTL de l'été de Georges Lang, oui. Hier. Oui. Et une gamme de produits solaires Vichy. Vous avez gagné la valise RTL. Alors. Écoutez. Qui était Marie-France? Ben Marie-France, c'est ma petite sœur. Ah, j'ai la voix de votre petite sœur, alors bonjour. Oui, mais je vous aime beaucoup, je vous aime tous, vous êtes une équipe formidable, vous pouvez pas savoir, ça fait des années que je vous écoute. Juste une question tout bête, parce que ça va pas être facile pour me faire taire. Bon, allez, on peut raccrocher. C'est pas grave, Jacques, j'ai l'habitude de travailler avec Pierre Bénichou, allez-y. Ah oui, eh ben, écoutez, alors, de toute façon, en ce qui concerne toute autre équipe, ils sont tous formidables. Diamant, elle est formidable, Isabelle Mergault, elle est formidable, Christine Bravo, elle est formidable, elle prend le nom de ma fille. Non, vous êtes. Elle revient demain, Christine. Oui, oh. Ben, je vous écouterai. Et là, je suis tous les après-midi à la maison. De comment dirais-je je vais pas y arriver parce que. Oui, vous travaillez demandé... pas en fait. Non, attendez. Justement, je vous ai demandé l'âge que vous me donnez par rapport à ma façon de vous parler. 102 ans. Oh la vache. C'est Péroni qui voit tout en double. Salaud. Évidemment, ouais. Parce que 102, c'est 2 fois 51. C'est vrai, en plus. Ouais, non, mais moi, je vois du Ricard. Alors, je sais pas quel âge. Vous êtes retraité, en tout cas, Jacques. Oui, oui, tout à fait. Comment ça se passe pour que je reçoive ces cadeaux? Parce que je suis pas souvent à la maison. Alors, écoutez, il y a un truc qui s'appelle la poste. Ah bah oui, d'accord, c'est bon, alors. Et puis, voilà. Et puis la poste va vous envoyer tout ça. Vous inquiétez pas, puis on vous appellera pour bien vérifier que vous avez bien tout reçu. Bon. Normalement, il n'y a pas de problème, Jacques. Bon, écoutez, de toute façon, j'ai une poste à côté de chez moi, ça s'appelle la Croix-Rouge. Ça tombe bien. C'est mais alors, ça qui est pratique. Comme la France est bien faite. Ouais. Mais elle ouvre à quelle heure le matin? Parce que maintenant, vous savez, il y a des postes qui ouvrent à 10h. Laurent, parce que il faut que je vous coupe quand même, parce que j'espère sincèrement que c'est vraiment pas un quindular. Ah bah non, quand même. Alors, écoutez, je vous fais toutes mes amitiés, de gros bisous à toute votre équipe, et je vous assure, je vous ai vraiment tous dans le cœur. Ah bah c'est très gentil, on est très émus. Merci Jacques. Merci. Je suis toujours content de faire gagner un auditeur qui en a besoin. 1042 euros pour vous, Jacques. Bravo, Jacques. Il est 17h. Les infos Anne Le Hénaff. Les premiers mots d'Ali Bongo, le président du Gabon, dont la réélection est très contestée. Des heurts ont éclaté dans le pays hier soir après l'annonce des résultats. Résultats donc contestés par son opposant Jean Ping. Le chef de l'État a dit « La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés et mal de la prise d'assaut d'un Parlement et de la télévision nationale ». C'est ce qu'il a dit dans une courte allocution. Depuis son palais de Libreville, son ministre de l'Intérieur annonce qu'un millier de personnes ont été arrêtées depuis le début des émeutes hier soir. Au Brésil, l'ex-présidente Dilma Rousseff fait appel de sa destitution et demande un nouveau procès. Condamnée pour avoir maquillé des comptes publics, elle a été remplacée ce matin à la tête de l'État par Michel Temer. De gros dégâts mais pas de victimes. Une fusée a explosé sur son pas de tir à Cap Canaveral en Floride aux États-Unis lors d'une séance d'essai de l'un de ses moteurs. Le lanceur de SpaceX et le satellite ont explosé. Aucun blessé n'est à déplorer. À Toulouse, l'agresseur du jeune policier poignardé mardi dans un commissariat est en ce moment présenté à un juge d'instruction. Le parquet réclame sa mise en examen pour tentative d'assassinat et son placement en détention. Une expertise psychiatrique est également demandée. L'homme connu pour des problèmes psy avait tout de même acheté le couteau quelques heures auparavant. Il se sentait persécuté par la sécurité intérieure. Il n'était pas fiché S. Il était sorti d'hôpital psychiatrique en février dernier. La ministre de l'Éducation annonce le déblocage de 30 millions d'euros pour aider les présidents d'universités à assurer la sécurité sur leur campus. Najat Vallaud-Belkacem encourage les étudiants à se former aux premiers secours, comme les plus jeunes, qui auront des formations au cours de cette année scolaire qui débute. 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. Football, Alou Diarra rejoint le club de Nancy. Il a quitté son club anglais de Charlton afin de se rapprocher de sa famille. Et puis les Bleus font leur rentrée ce soir. Match amical face à l'Italie à Bari. Coup d'envoi à 21h et rendez-vous dès 20h sur RTL pour le club France RTL avec Christophe Paco et Bichente Lizarazu. Et on en parle sur RTL dès 18h dans RTL Soir. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Anne, évidemment. On va célébrer le retour de nos héros de l'Euro. Tout à l'heure, on sera à Bari. On retrouvera Eric Silvestro notamment. Et puis l'attaquant des Bleus, Olivier Giroud, sera notre invité à 18h20. Parfait. Et ben voilà. C'est noté, à tout à l'heure. Ben à tout à l'heure. Merci Marco. À tout à l'heure. Le temps pour demain, grand soleil presque partout, sauf près de la Manche qui verra son ciel voilé. Quelques averses sont possibles sur les Alpes du Sud et les montagnes corses. L'après-midi, il fera de 20 à 26 degrés près de la Manche, 27 à 31 degrés ailleurs, jusqu'à 32 voire 35 degrés dans le Sud. 17h et presque 3 minutes sur RTL, c'est l'heure de retrouver vos grosses têtes. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Michel Bernier, Caroline Diamant, François-Olivier Gisbert, Élie Semoun, Jean-Jacques Perroni et Grishka Bogdanov. Une question pour Daniel Rigagnot qui habite Sainte, c'est en Charente-Maritime. Et la question concerne les bacabouzas dont on a beaucoup parlé ces derniers temps en Égypte. Mais qu'est-ce que sont les bacabouzas ? Ça se mange pas ? Non, ça se mange pas les bacabouzas. C'est des gens. C'est vrai que ça fait truc qui se mange. Ouais. Ah, attendez, ce ne seraient pas des récipients qu'on met dans les étables pour que les vaches fassent leurs besoins et ce sont les bacabouzas. J'ai bien réfléchi, mais ce n'est pas ça, monsieur Perron. Mais Laurent, c'est des gens. Mais j'apprécie l'effort. Merci. Est-ce que ça a un rapport avec l'Antiquité, l'Égypte ? Alors, est-ce que ce n'est pas des gens qui nettoient les pyramides ? Pas du tout. Les bacabouzas ont fait parler d'elles, je vais dire, puisque, effectivement, c'est au féminin. Ah oui. Les bacabouzas ont fait parler d'elles en Égypte ces derniers temps. Oui, alors, bon, ce sont l'équipe de volleyball, de beach volley d'Égypte. Ah, elles ont battu. Ouais, ah non, ouais. Ou alors c'est ce judo. Judoka, là, qui a refusé de... Pas du tout. Aucun rapport avec les JO. C'est un rapport avec le sport, comme elle l'a dit. Aucun rapport avec le sport. Ah bon, j'ai envie même de vous dire au contraire. Alors, le contraire du sport, c'est la bouffe, pour moi. Un petit peu, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est des femmes. Je trouve vite. Hein. Les bacabouzas sont des femmes. Des femmes qui bouffent tout le temps. Alors, oui et non. Est-ce que ce sont des femmes réelles ? Et ma question, c'est pour quelle raison a-t-on parlé des bacabouzas en Égypte ? Elles font la grève de la faim. Non. Elles font l'inverse. Elles ont décidé de manger un truc particulier. Un peu comme la grande bouffe, quoi. J'étais persuadé que vous aviez vu ça dans l'actualité, dans les journaux, car on a vu des photos et des témoignages des bacabouzas. Oui. Ce sont les Égyptiennes qui ont été mises de côté parce qu'elles sont trop grosses à la télé. Bonne de oui. Bonne réponse de Caroline Diamant. Oui, elle était pour moi, cette question, forcément. Ce sont des présentatrices qui ont été écartées de la télévision publique égyptienne. C'est une femme, en plus. Hein. C'est la directrice de la télévision publique égyptienne qui a suspendu 8 présentatrices à cause de leur surpoids. Eh ben, j'étais pas loin, moi, avec les grosses vaches. Elles ont un mois, ces dames-là, pour faire un régime et espérer retrouver leur place à l'antenne. Alors, il faut dire qu'elles présentent le journal et que c'est vrai qu'on a rarement vu des dames un peu fortes présenter le journal. En France ? Mais là-bas. En France, partout. Nulle part. Là, j'ai une photo de Kajila El-Khattab qui fait partie des 8 présentatrices qui ont été écartées à cause de son surpoids. Et c'est vrai que c'est une bacabouza qui manifeste justement, un peu trop... C'est pas tellement qu'elle est grosse, c'est qu'elle est pas belle. Encore pire. Mais Michel, t'es encore pire que les... Excuse-moi, mais... Non, mais je préfère les faire voir. Ça veut dire que tout dépend de comment elle était quand ils l'ont engagée. Elle est vilaine, si elle leur a fait le coup de l'appartement c'est pas sympa. Oui, mais ça veut dire que... Est-ce qu'on reproche ça aux hommes, par exemple ? Vous avez raison. Alors, je pense qu'on vire les femmes pour cette raison-là. Et quand ils sont gros, ils veulent tous maigrir. Carlier, il a maigri... Ménès aussi. Il a maigri, c'est fou, hein. C'est vrai. Caroline. Je voudrais savoir si vous essayez de nous faire passer un message, Laurent. Mais nous, on a un avantage, on fait de la radio. Mais d'un autre côté, il faut se dire que les paroles s'envolent et les maigris restent. Oh, bravo. Évidemment, elle force un peu trop sur ce qu'on appelle les falafels. C'est ce que sont les falafels. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Aux pois chiches, les boulettes. Les boulettes de pois chiches ou de fèves mélangées à diverses épices, frites dans de l'huile. Ah oui, c'est sûr que si t'es gros et en plus tu pètes, ça fait beaucoup. Mais ça fait pas péter les falafels, arrête. C'est pas vrai. T'imagines pendant le JT. C'est pas vrai. Une question pour Cédric Clément qui habite Montreuil-sur-Isle. C'est dans l'Ille-et-Vilaine et la question concerne Thomas Pesquet qu'on voit un peu partout dans les magazines cette semaine. Thomas Pesquet qui est impatient. Impatient pourquoi ? Parce qu'il va partir dans l'espace. C'était une question pour vous, Bogdanov. Effectivement, c'est le 10e astronaute français de l'histoire. Il a donné une conférence de presse mardi dernier. Bonne réponse de Grishka Bogdanov. Il est bien. Oui, bien sûr. Alors, il y a une façon originale de partir dans l'espace. Vous savez, quand on part en fusée, dans l'espace, oui, par exemple. Mais il y a une autre manière. Il y a une autre manière qui va probablement émerger d'ici 2 ou 3 ans. La corde à nœuds. Mais pas si mal, Jean-Jacques, parce que on imagine maintenant ce qu'on appelle l'ascenseur spatial, qui pourra effectivement nous permettre de nous d'aller dans l'espace en ascenseur. Mais c'est pas ce moyen-là que je préconise, c'est le ballon. En fait, le ballon stratosphérique va permettre d'aller à 120 000 pieds, c'est-à-dire à la limite de ce qu'on appelle la stratosphère. Et là, on pourra y aller très facilement, comme toi, par exemple, quand tu prends l'autobus le matin. Oui, mais je change à Châtelet. C'est quoi cette histoire de 4G au décollage et de 9G au cas où ça se passerait mal ? C'est pour capter, non ? En fait, c'est plutôt 6 à 7G. C'est ça, c'est pour ça que ça me semblait bizarre. Moi aussi. Oui, parce que la 4G, on l'a sur notre portable. Ouais. C'est quoi les 4G, les 8 à 9G ? Bravo Jean-Jacques, c'est la gravité. On pèse 4 fois son poids. Voilà. Alors, je me disais aussi. Voilà. Il y avait un truc. On n'a qu'à les envoyer dans l'espace, les Égyptiennes. Qu'est-ce qu'on va être bien ? On va transmettre le JT de Mars. Et quand ça se passe mal, l'accélération est plus forte et donc on passe à 9G. En 9G, c'est quand même la limite où on tombe dans ce qu'on appelle le voile noir. C'est-à-dire qu'on perd connaissance. Voilà. Il partira, Thomas Pesquet, le 15 novembre prochain, le 10e Français dans l'espace. C'était quand même normal que ce soit Bogdanov qui réponde à cette question. RTL, première radio de France. Aujourd'hui, c'est la rentrée et avez-vous pensé à l'assurance de vos enfants ? La MAE protège votre enfant, qu'il soit en cours, à la cantine ou encore à la piscine. La MAE est le numéro 1 de l'assurance scolaire. Retrouvez-nous sur mae.fr. Bonne rentrée à tous. Géant, la rentrée à prix bas ? C'est Géant, 10 sur 10 sur les économies et mention très bien sur les prix bas chez Géant. Jusqu'à dimanche, recevez un bon d'achat de 30% sur tous vos achats de fournitures scolaires. Oui, 30% en bon d'achat sur les fournitures scolaires. C'est Géant et avec votre carte fidélité, cagnottez 10% supplémentaires. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable dans tous les magasins du 5 au 11 septembre. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur RTL pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur RTL. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Nous retrouvons Laurent Ruquier et ses grosses têtes sur RTL. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Driss Ilali est au téléphone. Bonjour Driss. Bonjour Laurent, bonjour à l'équipe, bonjour le public. Bonjour. Vous nous appelez depuis Altrip. Et Altrip, c'est en Moselle. Ouais. Je connais pas Altrip. Oh, c'est un petit village de 500 habitants en dessous de Saint-Avold. Vous connaissez tous Altrip alors? Oui. Quasiment. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Driss ? Alors, je suis opérateur de transmission. Opérateur d'information. De transmission. On va bien savoir ce que... Transmission. C'est, je gère le trafic autoroutier, en fait. Entre Altrip et Saint-Maur. Ouais. Entre Paris et Strasbourg. Ah, quand même ! Ah, ouais. Ah, ouais. Dites donc, c'est pas rien, ça. C'est un gros trajet. Et il y a des champignons en ce moment. Driss, vous allez pouvoir partir une semaine en vacances en famille, en formule tout compris, dans un village Cap-France. Sans une centaine d'hôtels, clubs, villages, vacances à la mer, à la campagne ou à la montagne, les plus belles régions de France à choisir sur le site internet capfrancevacances.com. Est-ce que vous intéressez au football, Driss ? Un petit peu, oui. Un petit peu, alors vous allez sûrement pouvoir répondre. Il porte le numéro 45 dans tous les clubs où il passe et il arrive chez nous en France. De qui s'agit-il ? Mario Balotelli, non ? Mario Balotelli, oui. C'est gagné. Quelqu'un peut m'expliquer le numéro 45 ? Alors ça sera la question suivante justement. Mais c'est un numéro porte-chance, mais Mario Balotelli qui est un joueur connu un peu plus pour ses frasques que pour l'ensemble de sa carrière, même si au départ il jouait très très bien. C'est un garçon qui a marqué beaucoup de buts au début quand il jouait à l'Inter Milan, puis ensuite au Milan AC, mais il s'est un peu perdu parce que il a fait pas mal de conneries, il envoyait des fléchettes sur les jeunes joueurs, il s'est fait arrêter en état d'ivresse au volant de sa voiture. Battu. Il s'est battu aussi. Ah oui, c'est un Italien. Ah, il s'est fait, oui, en plein match. C'est un footballeur surtout. En plein match, il a fait du kung-fu contre un Russe, Garan Popov, qui l'a foutu au tapis. Beaucoup sortir en discothèque aussi, donc à Nice, il sera servi. Et alors, il aime bien les feux d'artifice. Il a fait éclater des pétards et des fusées dans la salle de bain de chez lui au premier étage. Les dégâts se sont chiffrés à 470 000 euros. Vous voyez ? Ah, mais il est con, il a un cul d'huile, c'est un gros con. Oui, c'est bien ce que je disais. Vraiment le gros bon frappé. Hein. Et voilà, et là, il va arriver. Et il n'a pas compris qu'il n'y avait pas 45 joueurs dans une équipe. Oui, quand il a choisi son numéro. Ça. En tout cas, bravo. Balotelli vous permet, vous, cher Dries, de partir une semaine en vacances en famille avec Cap France. Vous êtes content ? Merci beaucoup. Ah oui, oui, oui, très content. En plus, j'ai pas eu de vacances cet été, donc ça tombe bien. Ah bon, aujourd'hui, alors vraiment, j'ai l'impression d'être Mère Teresa. On vous applaudit, Idriss. Bravo. Salut, Idriss. Alors, attention, parce que pour les autres grosses têtes, évidemment, question subsidiaire. Oh, il a choisi de porter dans tous les clubs le numéro 45, Mario Balotelli. Comme ça, vous remarquez, il est sûr qu'il est libre, parce que finalement, c'est pas un numéro très courant chez les footballeurs. Mais ça veut dire que sur son maillot, il y a écrit 45. Exactement, 45. On a le droit de choisir le numéro qu'on veut. On a le droit. Enfin, si on est une vedette, évidemment. Oui. Si on est une vedette, le club vous autorise à avoir le numéro que vous voulez. Mais pourquoi a-t-il choisi le numéro 45. Il est du Loiret. Dans le 45. C'est sa pointure. C'est pas sa pointure. C'est pour faire comme quelqu'un d'autre ? Non, pas du tout. Ça a à voir avec le Colt 45 ? Pas du tout. C'est le jour où il arrêtera de jouer quand il aura 45 ans ? Non plus. Est-ce que c'est le... Il n'en a que 26 ans, hein, ça. Il n'est pas si vieux. Est-ce que c'est le jour... Avec sa famille ? Avec sa famille, non. Je vais poser une question de footballeur. Est-ce que c'est le jour où il est né ? C'est son QI. Non plus. Ah oui, QI, oui. C'est très simple. Hein. Si on s'y connaît un peu. Ah, bah 5 plus 4, c'est de la numérologie. C'est le nombre, ça veut dire, c'est pour le 9, parce qu'il a, il a marqué 9 buts ou. Ouais. Non, mais c'est. Il a marqué 45 buts dans sa vie. Non, mais là, vous êtes tout près de la réponse, effectivement. Eh bah, ça fait 9 ans qu'il joue. Non. C'est son chiffre porte-bonheur. Non. C'est le, il a toujours joué à la 9e place. Non, en elle fait, est tellement contente parce qu'elle va peut-être gagner qu'elle dit n'importe quoi. Non, mais ça a à voir avec 9 en fait. Parce que Laurent me regarde avec 9, tellement d'espoir. 5, 9. Il est né en septembre. Non, non mais laisse-le parler. Non, mais vous n'y connaissez vraiment rien au foot. Hein. Mais c'est le numéro de quelqu'un de super connu. De Zidane. Effectivement, vous avez la moitié de la réponse. 4 plus 5, ça fait 9. Ouais. Et alors ? Ouais, et ben 9. Donc 9, ça correspond à quelqu'un. Mais oui ! À une star du football ? Mais non ! Ça correspond il est au numéro 9. À sa position. Numéro 9, en fait, il est à la place de... Il est lié, je sais pas quoi. Bonne réponse de Grishka Bogdanov. Le numéro 9, c'est l'avant-centre dans une équipe. Ouais, mais Caroline, on est trop romantique, nous. Le numéro 9, c'est celui qui marque des buts. C'est l'avant-centre dans une équipe. Normalement, il y a 11 numéros. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que c'est vrai que tous les joueurs réclament des numéros. Pas possible, mais normalement, il y a 11 numéros. Et le numéro 9, c'est l'attaquant central, celui qui marque des buts. Le numéro 9, comme par exemple Zlatan Ibrahimovic, est normalement un numéro 9. À quoi ils servaient les chiffres alors, sur les maillots ? Comment si, si on peut choisir le chiffre qu'on veut, à quoi ça sert ? Ouais, c'est compliqué après pour nous, ça devient l'auto. Donc ça veut dire que le 9 c'était l'avant-centre, le 3 c'était l'ailier, etc. Pour reconnaître un joueur, c'est plus pratique d'avoir son numéro dans le dos. Mais comme ils ont toujours le même, ils ne changent pas. Oui, mais non. Nous, quand on se met sur le match, sur la télé, rarement. Alors, maintenant, on essaye de comprendre les règles. Alors, maintenant, je check 9, c'est avant-centre. Comment je check le mec son chiffre fétiche, c'est 5 plus 4, et qu'il a pris 45, c'est hyper compliqué. Bah, le temps qu'on comprenne, le match est fini. Bah oui, c'est ça. Faut au moins 90 minutes pour comprendre. Moi, je mets moins de temps pour donner mon 0,6. Écoutez ça. Je vais vous dire un truc, là. C'est bien la première fois que le football me fait mal à la tête. Écoutez, ça prouve que ce footballeur s'est déjà compté 4 plus 5. C'est déjà pas mal, franchement. MAF Assurance présente, parole de pro. Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Je suis chargé de dire à tous ceux qui ont un véhicule professionnel équipé d'aménagements spécifiques comme un bras de levage d'une benne, une cellule frigo ou un hayon, qu'en cas de dommages matériels subis lors de leur utilisation, avec l'assurance AutoMAF Pro, ils peuvent être indemnisés en fonction du capital souscrit. Ça, c'est du spécial pro très pro. C'est MAF Pro. et c'est pour vous, les pros. Option Brie Interne Aménagement Pro, détaillée dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur maf.fr. Jusqu'au 13 septembre, Conforama vous offre des produits vendus à prix coûtant. Alors, on est coûtant ? On est content ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 208 Style, l'expression même de la citadine moderne. Avec écran tactile Bluetooth et aide au stationnement arrière. Une œuvre signée Peugeot, dont je vous laisse admirer le prix. Pendant les immanquables Peugeot, la 208 Style suréquipée est à partir de 149 euros par mois. Avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Retrouvez en temps réel les infos de l'émission en suivant son compte officiel sur Twitter, @grossetête_RTL, tout attaché. Une question pour Ghislaine Zivanovic qui habite Éloi dans le territoire de Belfort. Et la question concerne une exposition qui a lieu à 7 jusqu'au 6 novembre. Une exposition consacrée au Shadok. D'ailleurs, le titre de l'article qui est consacré à cette exposition dans le Figaro Magazine, c'est « Les Shadok pompent encore ». Les plus jeunes ne connaissent peut-être pas les Shadok, mais ça a été un dessin animé, une série très amusante à la fin des années 60, parfois reprise à la télévision. C'est l'ORTF à l'époque qui diffuse les Shadok avec les gibis, hein. Vous vous souvenez de ça, monsieur Perroni, évidemment. Et la voix de quel acteur? Et la voix de Claude Pieplus. Ouais, et oui, un ovni qui avait choqué certains téléspectateurs qui trouvaient ça débile à l'époque. Hein. Il y avait pour ou contre les Shadok à la télévision. Et alors, évidemment, dans cette série, il y avait le professeur Shadoko. Le professeur Shadoko, c'était un inventeur. Et il avait inventé, le professeur Shadoko, et vous pourrez voir ça pendant l'exposition, il avait inventé un ouvre-boîte un peu particulier. Quelle était la particularité de l'ouvre-boîte inventé par le professeur Shadoko ? Rien à voir avec le schmilblick. Non, rien à voir. Rien à voir avec un tabouret, par exemple. C'est un ouvre-boîte pour ouvrir quelque chose de particulier, donc. Non, un ouvre-boîte qui sert à ouvrir... C'était pas un ouvre-boîte à pédales ? Non, non plus. Ah, c'est un ouvre-boîte qu'on n'utilise pas avec les mains ? Non. Je m'arrêterai là. C'est avec une pompe comme il pompait. Du tout. C'est un ouvre-boîte qui n'existe pas dans la vraie vie, on est d'accord. Ce n'est pas un ouvre-boîte qui existe dans la vraie vie. En même temps, si vous allez acheter cette ouvre-boîte-là... Alors, les Shadok, il y avait toujours plein de roues et de mécanismes. Effectivement, vous avez absolument raison, Semoun. Ouais. C'est d'ailleurs le... Oui, Ruquier. C'est vraiment la rentrée. Hein. C'est Moon, présent ? Oui, présent. Il y a bien un mécanisme. La devise des Shadok, c'était pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ça devrait vous aider, d'ailleurs. Ok. C'est un ouvre-boîte pour boîte déjà ouverte. Non, mais on se rapproche. Ce serait plutôt l'inverse. Ah, c'est un ouvre-boîte. Qui n'ouvre pas les boîtes. On se rapproche. Alors. Ah, c'est un ouvre-boîte qui scelle la boîte. Non. C'est un désouvre-boîte. Non, pas du tout. C'est un ouvre-boîte qui ouvre que les boîtes vides. Réfléchissez un peu. C'est très malin, c'est très drôle, évidemment. Et voilà pourquoi c'est dans l'exposition. Il est à l'envers. Non. Alors, la boîte vide, on n'était pas loin. Et l'ouvre-boîte qui ouvrait rien, on n'était pas loin non plus. Oui, parce que c'est vrai que la particularité de cette ouvre-boîte, c'est que. C'est absurde. Oui, évidemment. C'est qu'il la ferme, en fait. Non. C'est un ouvre-boîte qui détruit ce qu'il y a dans la boîte. Pas du tout. Il est pas pointu au bout, ça ne peut pas marcher. Il n'est pas pointu au bout. Si vous êtes aussi drôle que celui qui a inventé les Shadok, vous allez trouver la réponse. Oh la pression. Ça nous a calmé là. Oh le silence de mort. Mais il est en mousse ou un truc comme ça. Non. Shadok Gabuzo Miam, c'est le nom de l'exposition qui a lieu à 7 jusqu'au 6 novembre. Les Shadok pompent encore, avec évidemment les gibis sur la planète. Sur cette planète des Shadok, on y trouve le professeur Shadoko, qui a été l'inventeur de l'ouvre-boîte. C'est un ouvre-boîte à chocolat? Non. Qu'est-ce qui a une particularité? L'ouvre-boîte, il en a une particularité. Il ouvre les boîtes. Pas en tant que tel. Ah, il n'y a pas de boîte? Non. Si. Il y a une boîte. Il ouvre autre chose que des boîtes. Il est dans la boîte, déjà. Ah, il est à l'intérieur de la boîte et il ouvre la boîte pour en sortir. Non, mais vous avez la réponse. C'est-à-dire, c'est l'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte intérieure. L'ouvre-boîte. Qu'est-ce que ça ouvre, un ouvre-boîte? L'ouvre-boîte contre le couvercle. Un couvercle. Non, non. Une conserve. Vous l'avez la réponse. Une conserve ou ouvre-boîte. Donc c'est l'ouvre-boîte. Boîte qui est dans la conserve. L'ouvre-boîte en conserve. Bonne réponse. On est drôle alors. Bravo, Yves. Bonne réponse d'Élie Semoun, aidée par Jean-Jacques Perroni et Franz-Olivier Gisbert. Avouez que c'est drôle. L'ouvre-boîte en conserve. Qui est déjà dans la boîte. On dirait une fille du bricolage de mon père. Ben non, mais quand il fallait l'inventer, l'ouvre-boîte en conserve. C'est-à-dire qu'il faut déjà un ouvre-boîte. Il faut déjà un ouvre-boîte. Pour ouvrir la boîte dans laquelle vous allez trouver l'ouvre-boîte. C'est vrai que c'est fin. Il fallait quand même être grosse tête pour pouvoir trouver ça. Excellente réponse d'Élie Semoun. Moon, aidé par ses camarades. Une question peut-être un peu plus difficile pour Alain Lega, qui habite Buxerolles dans la Vienne. Elle avait publié chez Julliard « J'aurais voulu jouer de l'accordéon » et elle nous a quittés pendant l'été. De qui s'agit-il ? Yvette Horner. Non. Non, Jacqueline Pagnol. Jacqueline Pagnol, non. Françoise Malé-Joris. Françoise Malé-Joris, excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Eh oui, je n'avais pas choisi forcément le plus connu de ses livres. J'aurais voulu jouer de l'accordéon. C'est bien Françoise Malé-Joris, qui était romancière franco-belge, d'ailleurs, ancien membre du Goncourt, et elle est décédée le 13 août dernier à Paris. Elle avait écrit quelques chansons aussi pour Marie-Paul Bell, Françoise Malé-Joris, que vous avez connue peut-être. Oui, absolument. Charmante femme. Une autre question pour Jérémy Duquesnoy, qui habite Aisne, dans le Pas-de-Calais. Et la question concerne, là encore, quelqu'un qui vient de nous quitter, mais c'est plus récent, puisqu'il s'agit... Oh putain, c'est plus une émission, c'est une nécrologie. Il s'agit de l'acteur Gene Wilder. On a appris ça. Oh, Gene Wilder. Oh, mon génie. Bah oui. Grand acteur. Vous avez l'air de bien le connaître. On l'aime tous. Normalement, vous devriez répondre facilement à cette question. Monsieur Duquesnoy espère tout de même 300 euros. Gene Wilder n'était pas seulement acteur. Il a aussi été... réalisateur. Il a d'ailleurs réalisé le remake d'un célèbre film français. Lequel ? Est-ce qu'il jouait aussi dedans ? Ou est-ce qu'il n'a fait que le réaliser ? Je crois qu'il jouait dedans, mais ça peu importe, vous voyez. C'est pas un film avec Pierre Richard. Puisque ce que je vous demande, ce n'est pas le titre du film que lui a réalisé, ce serait beaucoup trop difficile. Je vous demande carrément. Le titre remake. Du film français. C'est pas un film avec Patrick Devers, non ? Non. Est-ce que c'est une comédie ? Oui. Une comédie, oui. Et La Grande Vadrouille ? Ah oh non, il a pas. Ah non. Mais quoi, The Big Vadrouille ? C'est impossible. Mais le titre américain du film, vous pouvez nous le donner ou ça ah nous non, aiderait ? Ça vous aiderait trop. Ah oui, il suffirait de traduire, quoi. Est-ce que c'est des acteurs français très connus ? Est-ce que c'est Francis Weber, le... Non, ce n'est pas Francis Weber. Des acteurs français très connus ? Des acteurs français très connus jouaient dans ce film et lui, il a racheté les droits et il en a fait un film américain. Est-ce qu'au départ, le film français est tiré d'un livre ? Non. Non, c'est un scénario original. Une comédie, scénario original. Comique. Qui d'ailleurs a fêté ses 40 ans d'existence chez nous en France. Rabbi Jacob. C'est un film qui date de 1976. C'est un film de Zidi ? De Zidi, non. C'est un film de Lautner ? De Lautner, non. Gérard Oury ? Non. Gene Wilder, évidemment, qui a joué dans Frankenstein Junior, dans Les Producteurs, dans Charlie et la Chocolaterie, mais c'était la version de 1971, hein, bien avant. Le shérif est en prison était un chef-d'œuvre. Bien avant Johnny Depp, Le shérif est en prison aussi, mais il a aussi réalisé un film, remake d'un célèbre succès français. Si on trouve le réalisateur. De Weber, non ? La Vache et le Prisonnier ? Non. Ah, de Edouard Molinaro ? La Vache et le Prisonnier, un film de 1976. Non, mais ça a traîné jusqu'en 76. C'est pas L'Emmerdeur. Oui, le L'Emmerdeur, non. Alors, vous oubliez un film culte de 1976 que vous avez tous adoré. Ok. Ah, c'est pas L'éléphant, sa trompe et tout ça. Yves Robert. Un éléphant, sa trompe énormément. Bonne réponse de Michel Bernier. Il a refait ça. Ah, et ça s'appelle... Un elephant is tromping a lot. Je suis sûr que ça va pas marcher, non. Un éléphant, ça trompe énormément, a été adapté aux États-Unis par Gene Wilder. Ça s'appelait La fille en rouge. Ah bah oui. Évidemment, puisque dans ce film, on voit Annie Dupéret habillée en rouge, dont la jupe se soulève quand elle passe sous dans le parking. J'ai vu l'extrait. Et voilà, exactement. Comme Marilyn Monroe. Comme Marilyn Monroe, La fille en rouge, adaptation d'un éléphant, ça trompe énormément. Et il faisait le rôle de Rochefort. C'était signé Gene Wilder. Wilder, effectivement avec Jean Rochefort en France dans le rôle. MMA Business Entreprise, exclusif. En cas d'intempérie, MMA assure les aménagements extérieurs de votre commerce et peut indemniser les frais de réparation. MMA. Dans les conditions et limites du contrat. Bonne année scolaire avec Carrefour. Dis donc Zoé, c'est pas toi qui perds toujours tes bâtons de colle? Mais non, c'est Tristan, il me les pique tout le temps. Bon, t'en fais pas ma puce. Jusqu'à lundi chez Carrefour, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le lot de 6 bâtons de colle scotch. Cool, comme ça j'aurai 6 bâtons de colle scotch rien que pour moi. Bah ouais, mais par précaution, on va quand même en prendre un lot aussi pour Tristan. Hein? Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, jusqu'à lundi, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme le lot de 6 bâtons de colle scotch. 6 x 8 grammes, modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier, qui pour vous accompagner cet après-midi. Je vais y arriver, Elise Moon, Grishka Bogdanov, Franz-Olivier Gisbert, également Caroline Diamant, Michel Bernier et Jean-Jacques Perroni. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Guillaume de Motion, qui sera président directeur du Grand Musée qui ouvrira prochainement à Paris en décembre prochain. Grand Musée du quoi ? Musée de l'outil. De l'outil, non. Vous nous avez aidé en disant le musée du... Eh oui, ça je vous ai aidé. Ah, bah le musée du stérilet. Non, non. Monsieur Perroni. Le musée du... Est-ce que c'est un seul mot que l'on cherche derrière? Un seul mot derrière. Bah, j'étais pas loin. C'est une profession ou c'est ce un instrument? Ce sera au cœur du Faubourg Saint-Honoré. Ah oui, ça va être chic. Un événement à Paris en décembre 2016. Ah ouais. C'est un musée éphémère ou ce sera un musée... Ah non, on espère évidemment qu'il va durer. En tout cas, Monsieur Guillaume de Motion nous le dira dans un instant. J'imagine qu'il souhaite que ce musée dure le plus longtemps possible. Si c'est le musée du soutif. C'est le bijou, slip. C'est le foulard. Non, au 60... Du soutien-gorge. Non, au 73 rue du Faubourg Saint-Honoré. Ah, c'est chic alors. Un hôtel particulier. De 1400 mètres carrés. Du maquillage ? Du maquillage, non. Est-ce que c'est du luxe ? Ah, du toupet. De la coiffure. De la perruque. Non. Le musée du luxe ? Le musée du luxe, non. Mais on se rapproche. On est dans l'univers. Ah, on est dans l'univers. L'univers oui. Le musée du futile. Du tatouage. Le musée du tatouage, rue du Faubourg Saint-Honoré. Oui, qu'est-ce que t'exposes ? Mais c'est très chic. Des morceaux maintenant. De membres de gens. Donc ça a à voir avec le corps ? Le musée du cosmétique. Du parfum. Le musée du parfum. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Pardon pour toutes les bêtises que vous avez pu entendre, Monsieur Guillaume de Motion. Bonjour. Bonjour, ben bravo d'avoir trouvé. Et quand même, le grand musée du parfum, ça n'existait pas encore, un musée du parfum? Et non, ça n'existait pas encore. Et c'est justement la raison pour laquelle on a décidé de l'ouvrir. Parce que quand on a eu cette idée, les réactions de tous et toutes vous exposez autour de nous, rien, en fait. Comment ça n'existe pas encore? Qu'est-ce qu'on va voir au musée du parfum? On va sentir ou on va voir Alors, c'est un musée véritablement de nouvelle génération. Donc, en fait, on a une scénographie qui est très originale et qui, en fait, raconte l'histoire du parfum, mais aussi qui va permettre aux gens de tester leur sens olfactif, de comprendre comment ça marche, de s'amuser à reconnaître des odeurs, et puis, bien évidemment, de comprendre comment un parfumeur, qui est un créatif, qui est un artiste, crée un nouveau parfum. Donc on est vraiment dans un musée de nouvelle génération. Il y aura ce qu'on appelle une bibliothèque d'odeurs. Il y aura une bibliothèque d'odeurs, c'est-à-dire qu'on va sentir les odeurs aussi du quotidien, parce que... Ah non, pas ça quand même. Ah oui. C'est sponsorisé par Febreze ou pas? Si on arrive en métro... Non, c'est la faute, Jacob. Si on arrive en métro... Non, mais c'est amusant, parce que par exemple, il y a une odeur qu'on fait sentir, qui est le kérosène. Et quand vous faites sentir le kérosène aux gens, il y a des gens pour qui ça rappelle la vie professionnelle, parce qu'ils prennent l'avion assez souvent. Et pour d'autres, c'est le voyage, c'est les vacances. Donc en fait, les odeurs, c'est des stimuli de nos souvenirs, des stimuli de notre humeur. Et donc, c'est très amusant de comprendre comment... Vous avez raison, on a tous des odeurs préférées. Par exemple, moi, c'est la fleur d'oranger. Alors, je sais pas si vous pourrez me faire sentir de la fleur d'oranger quand je viendrai dans votre musée. Bien sûr. Alors après, là, on rentre... Je sens qu'il faut que je fasse une commande spéciale, là, non ? Non. Et on a 25 odeurs les plus utilisées par les parfumeurs. Hein. Donc, on va comprendre comment on les crée, comment on les extrait. Le patchouli, par exemple, le patchouli. Le patchouli, bien sûr. On va pouvoir vraiment sentir toutes les odeurs, même aussi les odeurs de synthèse. Hein, parce que vous savez que depuis plus d'un siècle, en fait, la parfumerie moderne utilise des odeurs de synthèse qui ne sont pas uniquement issues de la nature. Et donc, c'est très amusant de découvrir ces odeurs qui n'existent pas non plus. J'avais pur hasard. Vous avez remarqué que M. Perroni, pour l'instant, ne bronche pas. Si, et c'est tant mieux. Je demandais si vous aviez du pur hasard. Non. Vous la connaissez, Ruquier, pur hasard. Allez-y, c'est quoi? Vous mettez un doigt dans le cul, vous ressortez, vous sentez, si ça sent bon, c'est du pur hasard. Je pense que M. Guillaume est ravi d'être au téléphone. Mais tu sais que ça sera un beau musée. Ça. Monsieur Demos, si on ne voulait pas prendre Péroni comme guide. Oui, je pense comme conseil scientifique et culturel, c'est parfait. Alors, franchement, quelle est votre odeur préférée, vous, Caroline? Je vais réfléchir parce que j'en ai plein. Je vais faire un choix. Ah bah, écoutez, prenez le bras gauche, le bras droit. Moi, c'est l'ambre et le musc. Ah, l'ambre et le musc. Ouais, ouais. J'adore les odeurs un peu orientales. Ah oui, qui excitent un peu. Voilà, voluptueuse. Ah oui, le musc, j'adore. Ça excite. Vous, Gisbert? Oh, plein d'odeurs, parce que j'adore la lavande, la fleur d'oranger, le thym, le foin coupé aussi. Ah, le foin coupé. J'adore cette odeur. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Couper les foins. Vous savez, ça fait cette espèce d'odeur chaude et puis le pain chaud. Ah, je sais ce que j'aime bien. Mais ça, je ne porterai pas en parfum. Oui. J'adore l'odeur. La sardine. Non. Ça donne faim. La cocoyette. Non, j'adore l'odeur de la pipe de la. Vous savez que si vous voulez la porter en parfum, c'est possible. Le tabac de pipe, l'Amsterdamer, c'est quelque chose qui est très rare comme odeur. Sucré, un peu mielleux. Qui est délicieux. Et vous, Michel? Alors moi, j'adore le feu de bois. Le feu de bois, l'odeur du feu de bois. Oui, ou la peau de l'homme qu'on aime. Ah, la peau de l'homme qu'on aime. C'est beau, ça. Et vous alors, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Igor ou monsieur Grishka? Je sais plus qui c'est. Attends, mais j'ai noté, c'est Grishka. En plus, Menton, c'est la ville du parfum. C'est vrai. Alors allons-y. Je vais dériver du parfum vers le nez. Ah, parce que oui, il y a quelque chose de très important qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. C'est un gars de la narine. 2 mois. Et il y a 2 mois a été réalisé quelque chose d'inouï. Je suppose que ne raccrochez pas, monsieur Demotion. Restez avec moi parce que c'est quand même important. Oh, a été réalisé pour la première fois en Angleterre une opération, une intervention à partir de cellules du nez, de cellules en fait natives du nez qui ont permis de redonner le mouvement à un paralysé. Vous imaginez, c'est la première fois que grâce aux cellules du nez, on va pouvoir donner à nouveau le mouvement au paralysé. Et ça a à voir avec le parfum. Ouais, ouais. Ah mais non, mais c'est le nez. Non, mais c'est une invention fabuleuse, mais on n'en aurait pas entendu parler. Ah ben les si. Paralysés marchent grâce à ce qu'on a dans le pif, et on n'en aurait pas entendu parler. C'est ça, moi, qui m'étonne sur lui. Oh, bah attends, c'est quand même un énorme scoop. Avec un truc comme il vient de nous dire, là, je vais retourner à Lourdes, je vais faire. J'ai trempé mes crottes de nez dans l'eau bénite. Ouais. Écoutez, je ne vais pas demander. Si tu sais respirer, tu peux remarcher. Ça ouvre quand, le musée du parfum? On va vite enchaîner. Le musée du parfum ouvre le 15 décembre, donc à la fin de l'année. Parfait. Dans 3 mois maintenant. On en reparlera au moment de l'ouverture, alors. D'accord. Ah bah oui, forcément, on vous rappellera à ce moment-là. Vous avez l'air très sympathique. Ce sera payant tout de même, l'entrée? Ah oui, vous savez que comme tous les musées, on est à un prix d'entrée à 13,50€. C'est dommage parce que l'argent n'a pas d'odeur. Oui, l'argent n'a pas d'odeur, mais bon, hélas, un petit peu parfois. Et voilà, et c'est un musée privé, donc forcément, on peut pas... On finance. On vous souhaite bonne chance dans cette aventure. Le Grand Musée du Parfum, à partir du 15 décembre à Paris, au cœur du Faubourg Saint-Honoré, précisément 73 rue du Faubourg Saint-Honoré. Merci, monsieur Guillaume de Motion. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Et avez-vous pensé à l'assurance de vos enfants? La MAE protège votre enfant, qu'il soit en cours, à la cantine ou encore à la piscine. La MAE est le numéro 1 de l'assurance scolaire. Retrouvez-nous sur MAE.fr. Bonne rentrée à tous. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Attention, nouvel événement Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec 170 chaînes TV, plus le replay, plus 5000 films en VOD. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. Oh, j'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ah ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai vu le premier, en fait. Non mais c'est... Là c'est vous le vendeur là. Oh ça va. Difficile de résister. En septembre, l'Apollo All-Star suréquipé est à 140 euros par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 1 606 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. La bourse en direct sur RTL en partenariat avec les Échos et Investir. Nous retrouvons Sylvie Aubert. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Alors, la bourse de Paris entame le mois de septembre du pied gauche. Et oui, en fait, on assiste exactement au même scénario qu'hier. Alors, le marché est resté une bonne partie de la séance en très forte hausse, mais il termine finalement quasi étale, voire un tout petit peu dans le rouge. Alors, les mêmes causes conduisent aux mêmes effets. Bien sûr, c'est une nouvelle fois Wall Street qui nous a joué un mauvais tour. Il faut dire que la statistique américaine du jour avait de quoi déconcerter. L'activité industrielle s'est contractée aux États-Unis au mois d'août, alors que les économistes tablaient sur une progression. Du coup, les boursiers ne savent plus très bien sur quel pied danser. Si la conjoncture ralentit outre-Atlantique, est-ce bien prudent de remonter les taux d'intérêt ? Alors demain, on aura une partie de la réponse à cette question grâce au très attendu chiffre de l'emploi. Si les créations de postes en août ont été meilleures qu'attendues, bon, le marché va se dire que les autorités monétaires pourront sans doute passer à l'action. Il reste que cette mauvaise statistique du jour aux États-Unis a pesé sur les cours du pétrole et le baril de Brent se traite ce soir en Europe autour de 45 dollars. Alors du côté des valeurs, eh bien on a Technicolor qui gagne 5%, Coface plus 5%, Tarkett plus 3%. Et au CAC 40, c'est Pernod Ricard qui pétille. Grâce à de bons résultats annuels, le titre gagne un peu plus de 2%. Très bonne soirée Isabelle, à demain. Et à demain Sylvie, bonne soirée à vous également. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Écoutez bien les indices. Avant quelques citations et l'invité mystère, je dois ajouter une nouvelle somme dans la valise RTL puisqu'elle a été gagnée tout à l'heure juste avant 17h. Oui, oui. Caroline, un nombre autour de 1000 euros, un peu plus, un peu moins, selon votre souhait. 1092. 1092 euros dans la valise. Mais attention, d'ici à demain, évidemment, un autre animateur de notre station, c'est la rentrée. Tous les animateurs sont rentrés, depuis Julien Courbet jusqu'à Stéphane Bern, en passant par Thomas Huguet, j'en oublie. Jacques Pradel, ah, évidemment. Il est là, j'en oublie. J'en oublie est revenu. Il est sympa. Je demandais ce qu'il était devenu. En tout cas, parmi tous ces animateurs, là. J'en ai marre aussi. Il fait une émission avec Je m'en souviens. Et j'en peux plus passer une heure. Voilà, c'est ça. En tout cas, quelqu'un va ajouter autre chose. Chose que les 1092 euros que nous venons d'y glisser. Une citation pour Thierry Lecause, qui habite le Valois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « N'essaye pas de noyer tes chagrins dans l'alcool, ils savent nager ». Francis Blanche ? Non. Non, c'est ce genre-là. Hemingway ? Quelqu'un qui buvait ? Ah, quelqu'un qui buvait, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la question, autant vous dire, n'est pas très facile, parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on a régulièrement cité aux grosses têtes. C'est quelqu'un qui était très, très triste tout le temps, alors. Pourquoi vous dites ça ? Ben, c'est une phrase d'une grande mélancolie. Oui, quand même. C'est ça, c'est très mélancolique. Ça m'étonnerait qu'il soit lui. Alors, ce n'est pas Gainsbourg. Il est français. Et il est français. Il est mort il y a longtemps ? Ah, il est mort il y a un moment, puisqu'il est mort en 1957. 1957. Et il est mort âgé ? Ah oui, quand même, il avait 80 balais déjà. Ah, écrivain ? Oui. Écrivain, dramaturge, scénariste, réalisateur aussi. Ah, mais c'est pas pas mieux. Jacques Prévert ? Jacques Prévert, non. N'essaie pas de noyer tes chagrins dans l'alcool, ils savent nager. Boris Vian. Boris Vian, non. Alors, scénariste, réalisateur aussi. Est-ce qu'il a fait des chefs-d'œuvre au cinéma ? Au cinéma, non, mais au théâtre, oui. Donc, Camus. Des pièces qui sont encore jouées aujourd'hui ? Certaines de ces pièces, oui, c'est vrai, Claude sont Bourdet. Encore jouées. Claude Bourdet, non. Il est né en France également ? Ah oui, il était né, je peux vous dire, même à Bagneux, dans le Maine-et-Loire. Céline ? Non, c'est pas Céline. Céline, non, non, non, il a non, pas, non, fait non pas Céline. Non, non, des pièces très, très connues, hein, tout de même. Des, plutôt qui sont des comédies, qui sont des... Comment on appelle ça ? Des vaudevilles. Des vaudevilles ? Des vaudevilles, des opérettes parfois. Des opérettes. Marcel Aimé ? Marcel Aimé, non. Des opérettes. Oui, oui, ah oui, ben oui. Ça alors. En tant que réalisateur, il a réalisé un film, mais dont il n'était pas l'auteur, qui s'appelait Messieurs les ronds de cuir, que tout le monde connaît évidemment. Oui. Mais il n'était que réalisateur. Très connu. Très connu. Très... Ah, on utilisait plutôt son nom que son prénom, je dois dire. Noël Noël. Non, Noël Noël. Non. Il est con. Ben si. Ben non, on aurait utilisé les deux alors. Hey, on a le droit d'être bègue. Oui. C'est vrai. On n'utilisait que son nom, oui, parce qu'il n'avait pas un joli prénom. Non, simplement parce ça qu'on disait... Ça se faisait, comme on disait, Fernandel, Bourville... Allez, je vais vous ça, aider. C'était l'auteur du Chasseur de chez Maxim's. Oh, oh merde, évidemment, oh, on ne connaît que lui. Oh. Pourquoi m'as-tu fait ça? C'est une autre pièce. Il y a Our dans le nom. Non, il n'y a pas Our. Ah bon. Eh ben, tu te gourres. Tu vas à Our. Auteur du Trou dans le mur aussi. Ah oui. Oui. C'est la seule à aider à percer. Pardon, on connaît que lui, hein. Alors, un seul connaît. Nom. Ah oui. Voilà. Non, il a aussi un prénom, mais on dit plutôt son nom de famille. Est-ce voyez. Qu'il est connu quand même au point d'avoir une petite rue, une ruelle, ah oui, ah oui. Une impasse. C'est une obsession, c'est pas Franju. Possible. Franju. Pardon? Franju. Franju, non. Il a un nom d'hôtel à Avignon, si ça peut vous aider. Le Mât d'Artigny. Ouf! Attendez. Genre. Un nom la connasse d'hôtel. Qui fait les 5 étoiles. Alors. Ah bah c'est le Sofitel. C'est le plus bel hôtel d'Avignon, alors. Henri ah oui. Sofitel. Non, non, non, non. Le pape? Non. Bah, je cherche. Hein. Je suis jamais allé à Avignon. Ah bah oui, alors ça va pas vous aider. Alors, à l'hôtel de la Couronne. Je pensais vous aider, vous voyez, parce que c'est quand même l'hôtel le plus beau d'Avignon. Ah oui, c'est dans la petite rue, là, à droite, là. Ah, là oui, oui. À côté c'est, du palais c'est, des papes. C'est joli comme tout. Ah, oh oui. Là là là là. Ah, mais toi, t'as dû jouer là-bas, Michel. Mais oui, j'ai même dormi. Alors? Si t'y as dormi. Non. Reprends tes facturettes de carte bleue. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour trouver le nom d'un auteur de théâtre? On connaît plus. C'est okay. pas Henri de Coin. Ce n'est pas Henri de Coin. Est-ce qu'il s'appelle pas André? Moi, je pense que son prénom. Non, il s'appelait André. Yves. Vous voyez, puisque. Ah oui, c'est pas. C'est évidemment, pas, c'est vous ne semblez pas. C'est Yves vert, merde. Ah, Yves vert, personne n'est vert nulle part. Oh là là, ça m'énerve. Yves Escande, attendez. Yves Mirande. Bonne réponse. On cherchait pour bravo, le début. Rose, hein. Bravo. Ah oui. Oh non, mais ça a été long à venir. Ah, ah oui, mais je le connais. Ah évidemment, oui. On le connaît. Mirande. Comment ne pas le connaître. Mirande. Mais c'est vrai qu'on dit plutôt Mirande, Mirande. Que Yves oui, Mirande. Oui, oui, oui. Une autre et une dernière citation pour Nadège Dambonville, qui habite Foncine-le-Haut, c'est dans le Jura, qui a dit « Pour faire un civet de lièvre, il faut un lièvre. Pour croire en Dieu... » Il faut un dieu. Ça, c'est Jean-Yann, mais c'est pas lui. Ah non, c'est loin d'être Jean-Yann. Ah, Monseigneur Barbarin. Non plus. C'est il y a très très longtemps, vous voulez dire? Ah, ça date du 19e siècle, en tout cas. Voltaire. Voltaire, non. Émile Zola. Émile Zola, non. Non. Mais ce genre-là? Ah, oh, ce genre-là, c'est pas facile à vous dire. Un peu poète? Un peu poète. Ah, anglais? À anglais? Sa façon, anglais, alors, non. Alors, attendez. Parce que j'ai... Allemand, voilà. C'est Goethe, non? Goethe. Goethe, non. C'est il est autrichien? Autrichien, non. Il est russe? Russe, oui. Ah. Dostoïevski. Pardon. Dostoïevski. Dostoïevski. Oui. Ah, bonne réponse de Grishka Bogdanov. C'est bien Fyodor Dostoïevski. L'auteur des frères. Karamazov. Bravo. Et de Crime et Châtiment. Surtout. Dans un instant, l'invité mystère. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur RTL pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur RTL. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Il faut que je pense à faire ma vidange. 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite. Avec Oscaro.com, vous pouvez facilement effectuer vous-même votre vidange. C'est possible. Oscaro.com vous propose un kit de vidange adapté à votre véhicule. C'est vraiment simple et très économique. Je me lance. Et en ce moment, en commandant de l'huile Castrol sur Oscaro.com, vous pouvez gagner un week-end VIP pour deux personnes au Rallye de Grande-Bretagne avec hébergement en hôtel 4 étoiles. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Oui, quoi encore? On a un pépin. Chez Lidl, ils ont croqué les prix. Demain et après-demain, le sachet de 2 kilos de pommes bicolores Origine France est à 1,99€. Moins d'un euro le kilo. Moins d'un euro le kilo de pommes bicolores? Mais c'est infernal. Ah oui patron, vous avez raison, c'est un prix d'enfer. Fini, oui. Mais patron, je suis paumé. C'est bien vous qui m'avez demandé les prix Lidl. Oui, bah on est mal, hein. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 115-150, variété Gala ou Elstar. Eh bien, on va jouer maintenant qui appartient donc la voix déformée qui va suivre. Écoutez bien Laurent Ruquier. C'est l'heure de l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez trouvé Mirande ou Yves Mirande avant mes camarades? Non, sincèrement, je ne crois pas. C'est honnête de votre part, en tout cas. À vous de répondre maintenant aux questions. Questions que vous posent mes camarades pour vous identifier. Vous êtes un monsieur? Oui. Ouais. Ok. Bon, bah, ça nous enlève une partie de la civilisation. Ah ouais. Oui, voilà un bon bout de déblayé. Ah oui. Oui. Ah oui. Est-ce qu'on vous appelle plus par votre prénom ou par votre nom de famille ? Par mon prénom. Est-ce que vous portez un pseudonyme ? Non. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? Oui. Beaucoup ? Oui. Vous avez du monde sur votre Twitter ? Pas mal. Combien de followers, comme on dit maintenant ? J'approche les 400 000. Ah, quand même ! Oh, ouais, bah, alors, vous êtes connu, alors. Ah ouais ? Est-ce que vous êtes marié ? Oui. Vous avez des enfants ? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre de votre famille est célèbre ? Ma famille par alliance, oui. Ah, votre famille par alliance. Ah, c'est-à-dire que la famille de votre femme ? Exactement. Et votre femme également ? Non. Est-ce que vous êtes né en France ? Oui. Voici un premier indice musical. On l'a entendu, hein, il n'y a pas si longtemps, ce titre est beaucoup, beaucoup. Ça doit vous évoquer forcément quelque chose. À vous, en tout cas, c'est sûr, invité mystère. Ah oh ben oui, évidemment. Est-ce que vous êtes musicien ? Non. Est-ce que vous êtes un artiste ? Ah oui. Non. Ah ben non. Voilà. Moi, je pensais bien que vous n'étiez pas artiste. Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste ? Oui. Vous avez les cheveux gris ? Comme vous y allez. Je sais pas, comme ça ? Non, non, moi, je ne fais pas de petits régés couleurs, vous. Légèrement. Légèrement gris. Sans teinture. Sans teinture. Elise et Moon propose Bernard Pivot. Êtes-vous Bernard Pivot ? Je sais qu'il tweet beaucoup. Ah oui, mais non, ce n'est pas Bernard. C'est un honneur, en tout cas. Et ce n'est pas William Lémergie non plus, comme proposé par François-Olivier Gisbert. Journaliste sportif ? Oui. Voici un deuxième indice musical. Du stade Malherbe de Caen. Je crois que c'est votre club préféré, c'est vrai ? Et je suis heureux de vous le dire, vous qui aimez le Havre. Eh oui, je sais, la Basse Normandie et la Haute Normandie sont parfois rivales, mais maintenant nous sommes réunis, n'est-ce pas ? Exactement. Elise Moon pense à Pierre Ménès. Êtes-vous Pierre Ménès ? Non plus. Thomas Touroud, proposé par François-Olivier Gisbert. Non plus. Laurent Luya, c'est le nom que me soumet Caroline Diamant, ainsi que David Ginola, elle rêve. Non, mais il a dit des cheveux gris. Mais est-ce que vous êtes un ancien sportif vous-même ? Du dimanche et amateur. Jean-Jacques Perroni propose Pascal Pro. C'est vrai qu'il a le cheveu gris, Pascal Pro. Alors j'ai les cheveux beaucoup moins gris que Pascal Pro. Mais donc vous êtes plus football que d'autres sports ou vous commentez tous les sports ? Je suis assez pluridisciplinaire, mais football, oui. Aussi, on va dire. Mmh. Un autre indice. Ah, c'est un générique qu'on a entendu pas mal aussi, pendant l'été d'ailleurs. Avez-vous commenté pendant les JO ? Non. Ah, le Tour de France ? Non plus. Il y a quoi comme autre sport l'été ? Bah, l'Euro, il a fait l'Euro. Oui. C'était d'ailleurs le premier indice, hein, le générique qu'on a entendu au début, l'hymne. C'était David Guetta et Zara Larsson, le générique officiel de l'Euro 2016. Qu'est-ce qu'elle était mal habillée, dites donc. This one's for you, ça s'appelait. Alors, je vais être très embêté parce que moi, je regarde jamais le football. Je vous rassure, il ne fait pas que le foot et vous le connaissez très, très bien. Le foot, c'est même pas ce que vous faites le plus, hein. Est-ce que c'est un autre sport que vous faites le plus ou vous carrément une autre discipline que le sport ? Une autre discipline que le sport. Vous faites un jeu ? Oui. Aussi. Voici un autre indice. Encore un générique, en fait, que vous connaissez bien, Invité Mystère. Il faut se lever tôt le dimanche matin. Combien d'années, là, cette émission, déjà ? Plus de 40 ans. 40 ans. Ah, le jour du Seigneur. Vous êtes Dieu. Presque. C'est la voiture, non ? Ça vous intéresse, la voiture ? Oui. Il y a aussi la voiture, mais il n'y a pas que ça. Il y a le volant, les roues. Michel Bernier propose, non pas Robert, mais c'est Dominique Chapatte. Chapatte, oui. Êtes-vous Dominique Chapatte ? Non. Non. Moi, j'ai mis Bernard Chapatte. Le pauvre Bernard Chapat, il est mort. T'aurais pu mettre Robert Chapat aussi. Bernard Chapat, c'était Stade 2, il faisait plus de Robert. Non, c'était Robert. Ah oui, c'était Robert. Ah bah, c'est pas du tout Bernard. Il n'y a pas de Bernard. Non, mais c'est, il me fait tromper, Elie Moon. Robert Chapat, c'était Stade 2, et c'était évidemment le cyclisme avant tout, lui. Ah bah oui. Michel Bernier propose Rottenberg, c'est Stéphane Rottenberg. Moi, il faut que je retrouve les prénoms. C'est ça, mais c'est le jeu d'aujourd'hui, là. Non, c'est pas moi. Alors attendez, quand vous présentez un jeu, est-ce que ce jeu est tout de même lié au sport ? Un peu quand même. Oui. Voici un autre indice. Bah là quand même. Hein. Ah bah oui. Là évidemment. Ah regardez Caroline Diamant s'est précipitée sur son stylo après ce générique. Hein. Ah non là, et Michel Bernier aussi. Regardez, on voit les téléspectatrices de TF1. Je sais même pas si j'ai bien écrit. Oui, vous avez bien écrit. Bravo Michel. Bravo Caroline. Et bravo Élie, mais je me rappelle plus de son nom. Élie m'a mis le présentateur de Koh-Lanta. De Koh-Lanta. Bah oui, alors c'est donc Denis Brognard, évidemment. Je l'avais. Oui, on l'a vu. RTL. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. François, on me dit que vous avez un scoop. Absolument. Moins 15% sur la multirisque pro chez MMA. Ça concerne beaucoup de professionnels, ça ? Les artisans et commerçants. Avec l'assurance multirisque pro MMA, ils bénéficient d'un contrat unique pour tous leurs besoins. Et jusqu'au 29 octobre 2016, MMA peut leur offrir moins 15% sur leur première année de cotisation. Bon, ben, envoyez la pub. MMA. Offre soumise à condition. Contactez votre agent MMA. Avec Lucas, l'attaquant de l'équipe. Oui, et ses chaussures de football Puma EvoSpeed. Avec leurs crampons coniques, elles adhèrent parfaitement au gazon. Ah, Lucas est aussi vif qu'une panthère, il traverse la défense, tire ! Quel but ! Le stade rugit de bonheur ! Chez Decathlon jusqu'au 24 septembre, la rentrée à petit prix joue les prolongations. Avec les chaussures de football adultes EvoSpeed de Puma à 31,99€ au lieu de 49,99€, soit 35% de remise. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. Bonjour, c'est Elisabeth Martichoux. En mai prochain, nous élirons le futur président de la République. Pour éclairer votre choix dans une compétition qui s'annonce hors norme, je recevrai chaque matin un invité politique à 7h45 sur RTL. Dans une société française sous tension, nous prendrons le temps de poser toutes les questions pour obtenir toutes les réponses que vous attendez. Rendez-vous dès demain matin avec Yves Calvi sur RTL à 7h45. Et toute l'info des 18h avec RTL Soir présenté par Marc-Olivier Fogiel qui recevra à 18h20 le footballeur Olivier Giroud. L'équipe de France retrouve le terrain ce soir face à l'Italie. 18h35, Laurent Deutsch. Son livre Métronome a été un véritable phénomène de société et comme tout succès, il n'a pas été épargné par les critiques. 7 ans plus tard, Laurent Deutsch récidive. Pour l'heure, nous retrouvons les grosses têtes et Laurent Ruquier et surtout l'invité mystère. Denis Brognard était bien notre invité mystère. Eh oui. Grâce au générique de Koh-Lanta, quelle popularité cette émission. Hein. Aussitôt qu'on a entendu la musique de Koh-Lanta, on peut la réentendre peut-être. Paf. Là, évidemment, mes camarades ont dit Denis Brognard, à part Jean-Jacques Perroni qui a dit Thierry Brognard. Excuse-moi. Mais... Il est inexcusable, on a travaillé ensemble en plus avec Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? Le Tour de France. Ouais, le Tour de France. Mais des bistrots ou en vélo ? Les deux. Les deux, mon général. L'île au trésor, Koh-Lanta, ça fait combien de saisons, dites-donc maintenant ? Ça fait 15 ans et on en est à la 19e saison. La 19e saison avec 20 nouveaux aventuriers à partir de vendredi. Hein, c'est ce vendredi. Alors non, c'est la deuxième vendredi. Ah oui ? La première, c'était vendredi dernier. Je l'ai raté alors. Bah, c'était la fin des vacances. Ils nous font commencer trop tôt, tout ça. Voilà, mais exactement. Oui. Ah, vous êtes d'accord. Hein. Écoutez, je ne sais pas parce que nous, c'est enregistré, donc ça n'avait aucune conséquence sur la fin de nos vacances. Mais franchement, nous faire repartir. Mais vous n'étiez pas là, Laurent, mais ça a bien marché en audience. C'est vrai, le vendredi 26 août, ça a donc démarré. Très bien. C'est tourné il y a longtemps. Enfin, on a tourné ça à la fin du à la fin du printemps, entre le mois de mai et le mois de juin. Et il y a toujours l'épreuve du poteau ou pas ? Oui, mais alors ça, il va falloir patienter parce que c'est dans la dernière émission. C'est à la fin. C'est avec les trois derniers. Moi, je regarde que pour ça. Je sais pas pourquoi j'adore l'épreuve du poteau. Je trouve ça génial quand ils sont là. Je trouve c'est terrible. Ah, vous êtes d'accord ? Oui, oui. Je voudrais faire ça, l'épreuve du poteau. Moi, je regarde que ça aussi, l'épreuve du poteau. J'adorerais faire l'épreuve du poteau. Ah bon ? Ah ouais. Mais on tiendrait pas de temps. On peut organiser ça. Moi, c'est l'épreuve du gros poteau, alors. Mais... Ah, vous vous accrocheriez à T'as plein de poteaux, toi. Vous regardez Koh-Lanta, j'imagine. Ça va m'arrive. Élisée Moon. Ben ouais, ouais, on aime bien ouais, ça. C'est très drôle. Les trahisons. L'équipe jaune, l'équipe rouge. On imagine Emmanuel Macron dans Koh-Lanta. Oh là là. Oh. Il serait pas mal. Hein. Il gagne à tous les coups. Oh, c'est pas le pire traître qu'on ait connu quand même, Macron. Alors cet été, c'était pas Koh-Lanta, c'était Ninja Warriors, c'est ça? Exactement. Alors, je n'ai pas eu la chance de voir. Ça consistait en quoi, Ninja Warriors? Ninja Warriors, c'est une espèce de parcours avec plusieurs étapes, parcours sportif avec des épreuves d'équilibre, des épreuves de force. Et le problème, c'est que dès l'instant où vous perdez l'équilibre, où vous échouez dans une épreuve, vous vous retrouvez dans une piscine, c'est assez drôle. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, hein, que j'ai eu la chance de présenter. Christophe Beaugrand, que j'ai essayé d'initier au monde du sport, ce qui n'est pas évident. Hein. Quand il m'a parlé du fémur comme d'un os du bras, je me suis dit, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, exactement. Alors, le générique d'une émission qui existe depuis 40 ans, c'était évidemment le générique d'Automoto. Ouais. Mais alors, vous n'animez pas Automoto depuis 40 ans? Non, ça fait 5 ans. 5 ans? 5 ans, mais c'est vrai que c'est une très vieille émission créée à l'époque par Georges Decaune, Jacques Bonnecarrère. C'était une espèce de réflexion. Il s'était dit, la voiture est de plus en plus importante dans nos vies. Les constructeurs nous donnent des images, donc on doit pouvoir faire une émission avec ces images-là et essayer d'être attractif avec l'automobile. Alors ça, c'est le plan idéal pour les animateurs. J'imagine que vous roulez gratos toute la semaine. Et ben même pas. Avec des voitures qu'on vous propose de tester. Mais même pas. Alors j'en teste de temps en temps, mais j'ai des journalistes qui testent les voitures et moi je roule en deux roues. Ça a bien changé la télé. Mais ouais, je sais bien. Mais depuis Jean-Claude Bourret, ça a bien changé. Ça c'était le début alors. Alors votre femme est connue, j'ai pas bien compris. Non, ma femme n'est la pas connue. De votre femme. Non, dans la famille de ma femme, puisque Hortense, elle s'appelle. Exactement. Elle fait partie de la famille du dénommé Frédéric Dard. Ah ça alors. Et, oui. Et donc Patrice Dard. Ça alors, voilà. Vous nous apprenez quelque chose. Et ben voilà. Michel Bernier vous regarde avec admiration, car mais je crois... Mais parce que je l'aime beaucoup. Ah, j'étais sûr. Oui. Mais j'étais sûr. Mais merci, on a dansé Michel. Des slows ensemble. C'est vrai. C'est pas vrai. Collé serré. Ah, c'est Hortense qui va être contente. Vous avez le bras long. Ah, il est grand. Mais quand il me tourne autour, ça prend du temps. Non. Encore l'épreuve du poteau. Voilà. Mais on reste des poteaux, c'est ça qui est bien. Koh-Lanta, l'île au trésor, a repris depuis vendredi dernier. Attention, j'ai commis une petite erreur tout à l'heure. Ce n'est pas vendredi prochain que ça commence. C'est commencé. Vous avez peut-être raté le premier, mais on peut prendre en cours, comme on dit. Exactement. Hein. Je vous ai dit, Myriam est partie. Il en reste 19. Il reste 19 et à la 19 fin. 19 aventuriers. Il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Vous les revoyez parfois les candidats. Certains font carrière d'ailleurs. Bah, Moundir. Moundir, exactement. Ouais. Qui, je le vois qui... au poker. Et alors, il est bon ou pas? Il est très bon. Parce que quand je le vois, moi, sur les réseaux sociaux, avec ses lunettes, sa casquette, bon, il fait peur. Il y a peur, un peu du décorum, effectivement, ouais, pour faire peur aux autres. Mais il est bon parce que moi, à chaque fois, je sais pas, je trouve qu'il a beaucoup de chance, en plus, de jouer. Allez, bien, demain soir, épisode numéro 2 de Koh-Lanta sur TF1, avec évidemment à la présentation Denis Brognard, qui était notre invité mystère. Merci Denis. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes. Bonsoir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, Laurent. À demain, donc, pour les prochaines grosses têtes sur RTL. Il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver donc pour 2 heures d'infos et à la une, ça c'est fait. Et de une, la première journée est terminée pour les 12 400 000 élèves qui ont donc retrouvé depuis ce matin les bancs de l'école. Plus que 179 jours d'école donc pour cette année. Une rentrée sous haute surveillance avec des mesures de sécurité renforcées face au risque d'attentat. Ce que dénoncent certains maires qui s'alarment notamment du coût que cela représente. Alors dans RTL Soir, évidemment, nous serons à vos côtés après ce premier jour d'école et on débattra dans Refait le Monde de ce coup de gueule des maires. RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres de l'actualité. Les gens l'appellent l'idole des vieux. Emmanuel Macron a reçu un accueil triomphal cet après-midi à la foire agricole de Châlons-en-Champagne qui consacrait sa journée aux seniors. Une première sortie réussie. Un calme insurrectionnel règne ce soir au Gabon. Après les émeutes causées par la réélection d'Ali Bongo, 1 millier de personnes ont été interpellées. Et si on pouvait enfin soigner Alzheimer, un traitement à base d'anticorps donne des résultats très prometteurs. À suivre également le calvaire administratif de Ginette, déclarée morte à la place de sa mère. Les obsèques de Sonia Riquel à Montparnasse. Et les Bleus à l'heure italienne, match amical ce soir à Bari dans les Pouilles, le premier depuis l'Euro. À 18h20, premier invité d'RTL Soir, l'attaquant des Bleus, Olivier Giroud. La Bourse de Paris termine quasi stable ce soir à 4 439 points. Les courses à Chantilly, il fallait jouer le 14, l'As, le 3, le 13 et le 5. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, une école coranique clandestine fermée dans une mosquée de banlieue parisienne. Mais combien y a-t-il d'écoles coraniques en France? Comment sont-elles encadrées? Puis direction les coulisses de l'actualité, réalité virtuelle, objets connectés, on vous emmène en coulisses d'innovations qui ne sont plus de la science-fiction. Au salon de l'électronique IFA à Berlin, 18h30 Alain Duhamel, ce soir la rentrée des classes ratée des politiques. 18h35, son livre Métronome a été un véritable phénomène de société et comme tout succès, il n'a pas été épargné par les critiques. 7 ans plus tard, Laurent Deutsch, récidive dans Métronome 2 et tout à l'heure sur RTL, il nous révèle les incroyables histoires des rues de Paris. À 18h50, RTL Monde, les petites et les grandes histoires de l'info à l'étranger. Après 19h donc, on refera le monde. Bonsoir Louis Bonin. Bonsoir Marc-Olivier. Et demain, on va pas se plaindre toujours du beau temps, Louis. Bah non, on me l'a demandé, donc et je bah continue. Voilà. Si c'est fait de vous demander, alors on va vous demander tous les jours. Oui, c'est ça que je crois. Avec donc du soleil dans la plupart des régions. Alors quand même, il y aura peut-être un voile nuageux un petit peu plus épais au nord de la Loire, mais toujours sans conséquence. Belle luminosité, un peu plus de nuages près de la Manche, grand soleil dans le sud. Pas d'averse du tout, allez, peut-être très localement dans les Alpes du Sud. Et puis les températures toujours estivales, 21 à 24 degrés l'après-midi près de la Manche, mais 28 à 33 degrés, très homogène dans toutes les autres régions. Très bien, tout à l'heure Louis Baudin. RTL Soir. Et c'était donc une journée particulière pour des millions de familles aujourd'hui, Isabelle. Journée de rentrée des classes. Oui, une rentrée pleine de changements, nouveaux programmes, réforme du collège. Mais tout cela, les enfants s'en moquent éperdument. Pour eux, l'événement, ce sont les nouveaux profs, le nouvel emploi du temps, les vieux copains, les nouvelles têtes. Anaïs Bouissou a assisté pour RTL à la sortie des classes à l'école Jules Ferry à Asnières. 15h45 précise, devant l'école, les parents s'amassent pour apercevoir leurs enfants. C'est l'heure, c'est ça. Dorian, en CP, rejoint vite sa maman. Très, très bien. C'est grands yeux bleus pétillent. On avait dessiné notre maison avec du vert et du bleu. Je suis très contente, c'est très bien, c'est un cap pour lui. Pour Émilie, en CM2, ce qui compte, c'est surtout sa place dans la classe. Il y a 2 tables avec que des garçons et nous, nos tables, il n'y a que des filles. C'est bien qu'il n'y ait que des filles. Parce que les garçons, ils sont plutôt bruyants. Un peu plus loin, Rislaine et Malou se tiennent la main. On est meilleures amies. Les deux fillettes sont déjà au travail. On a fait une dictée. Déjà ? Oui. Mais elles aiment quand même leur maîtresse. J'aime beaucoup comment elle est très très gentille, elle est parfaite quoi. Elle s'appelle Madame Guylaine. Enfin, pour les tout-petits, comme Yanis en moyenne section de maternelle. On ne sait pas si on va dormir en moyenne section. Vous l'entendez, la préoccupation principale en cette fin de journée, c'est surtout de dormir. Évidemment, donc on pense à tous ces petits élèves ce soir. Merci Anaïs Bouissou, qui était pour RTL à Asnières. Cette rentrée est marquée par les attentats avec des mesures de sécurité renforcées. L'État a débloqué une enveloppe de 50 millions d'euros, mais ça ne suffira pas. Les communes devront peut-être mettre la main à la poche, d'où ce coup de gueule du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriot, à la mi-journée sur RTL. Ils nous imposent les rythmes scolaires. Ça représente une enveloppe de plus de 2 millions d'euros par an. On l'a fait sans augmenter les impôts parce que, comme le maire de Montpellier, c'est l'engagement que j'ai pris pour le mandat, il faut bien les trouver quelque part. Donc, il y a des exigences de la part du gouvernement qui sont de plus en plus fortes, qui reposent sur les communes. Dans le même temps, il y a la baisse des dotations de l'État. C'est 17 millions d'euros en moins. Je veux dire, c'est à un moment donné, c'est plus possible que l'État prenne ses responsabilités. Si l'État impose un certain nombre de mesures, il faut qu'il les paye. Parce que c'est un peu facile de prendre des